faut commencer. Bon, je vais lire mon message et puis ensuite ben, on élira un président de séance. Donc, avant de démarrer l'AG et en tant que présidente, je souhaite avant tout remercier toutes les personnes qui ont bien voulu voter et toutes les personnes ici présentes ce soir, preuve de l'attention qu'elles portent à la copropriété. Il y a un an, une grande majorité d'entre nous a fait le choix pour la gestion en mode coopératif. J'interromps mon message. Okay. Mesdames Kebab sont arrivées. Okay. Donc je reprends mon Vas-y, message. vas-y. Il y a un an, une grande majorité d'entre nous a fait le choix pour la gestion en mode coopératif. Pour ceux qui ont opté pour ce mode alternatif, dont je faisais partie, il fallait repartir de presque zéro, étant donné que notre premier syndic n'avait pas rempli son rôle. La présidente élue a constitué son premier conseil syndical. Très rapidement, il a fallu en constituer un deuxième dans lequel je me suis inscrite. Encore une fois, des démissions se sont enchaînées et nous nous sommes retrouvés à trois, puis depuis septembre, officiellement à deux avec Madame Hédé. Pour rappel, à aucun moment je n'ai voulu cette fonction de présidente de conseil syndical, n'en ayant ni l'envie et n'en ayant pas la formation. Monsieur Mainguy de Matera avait alerté la démissionnaire qu'en l'absence de présidence, la copropriété risquait une mise sous tutelle. Elle a malgré tout démissionné. J'ai donc, à la demande de Matera, accepté de reprendre cette charge uniquement par devoir. Ainsi, au lieu de 2 heures par mois pour juste aider à la facturation, je me suis retrouvée à faire face au quotidien de la copro, c'est-à-dire passer les appels, recevoir les fournisseurs, répondre aux questions des copropriétaires, suivi des travaux pour Madame Hédé, les factures, les contrats, évacuer en déchetterie des lits et des affaires de squatteurs dans nos locaux, etc. Tout ceci à deux personnes déjà bien frustrées d'avoir sacrifié leur vie personnelle et déjà bien affaiblies par cette charge mentale et non préparées à assumer ce rôle. Certes, Matera nous supportait, mais de jour en jour, le constat était évident. La gestion d'une copropriété est un métier. Il y a des études pour cela. Cela n'est pas ma motivation, cela n'est devenu qu'une obligation qu'il fallait gérer jusqu'à son terme. J'en tire la conclusion suivante. Notre copropriété est trop récente et trop fragile pour être gérée par des profanes. Aujourd'hui, le climat est délétère et le seul fait de s'exprimer est maintenant sujet à invective, pour preuve les échanges sur la plateforme. Ceci n'est absolument pas à la hauteur des enjeux de notre copropriété. Depuis quelques jours, je constate dans certains échanges que je suis prise à partie par Matera et que Madame Hédé et moi-même sommes accusées d'abdiquer. Et vous regardez partout autour de moi, nous ne sommes que deux à avoir assumé jusqu'au bout notre engagement. Dans le courrier joint à la convocation, Émilie et moi, nous avions prévenu ne pas avoir l'intention de continuer. Aussi, quel que soit le mode de fonctionnement que vous aurez choisi, nous vous souhaitons le meilleur à Tel Bonhoeffs. Alors voilà mon message. Et maintenant, je pense qu'on peut élire le président pour Benoît, est-ce Allô? que tu peux parler, s'il te plaît? Oui. Ouais, ça Allô? marche. Je t'entends. Je t'entends, mais le son est. Il y a eu un problème. Ouais, il y a un grésillement. J'entends plus personne. Je te vois, mais j'entends. Garçon, Hop. Tu m'entends là, Vincent? C'est parfait là. Parfait. Et là, on s'entend. Donc maintenant, on va passer à la désignation du président de séance. Ouais, alors attends, parce que du coup, j'ai un problème de bande passante chez moi, j'ai l'impression, je sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de mettre plus près de ma box également. J'essaye d'améliorer ma bande passante également de mon côté. Désolé. Le sujet, c'est effectivement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite être président de séance? Le rôle du président de séance, c'est effectivement d'assurer que la séance se déroule bien. Et il aura, il ou elle aura besoin de signer le PV d'AG. Allô? Je vais couper ma caméra au cas où parce que là, ça rame de partout. Allô, Patricia, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Patricia? Allô, Patricia? Oui, oui, je t'entends. D'accord. Est-ce que tu peux, je suis désolé, mais est-ce que tu peux me redonner la liste des présents? Parce qu'il y a eu un bug justement de bande passante là. Le son est affreux là. Je recommence. Ouais. Madame Albéro. Oui. Monsieur Ben-Najma. Oui. Madame Aidé. Monsieur, Madame O'Haraud. Attends. Patricia Cotte, n'oublie pas. Il faut que tu signes la feuille de présence, Patricia. Non, je n'ai pas fait, excuse-moi. Il n'y a pas fait. Ouais. Okay. Ensuite, tu m'avais dit, il y avait Madame Gazal, il y avait Madame Aidé, Monsieur O'Haraud, Madame Kebab qui est arrivée. Monsieur Inès. Tu m'as dit quoi? Ignacio. Monsieur? Nicolas Ignacio. Oui, Ignacio. J'avais Kebab. Au-dessus, il y a Monsieur Ignacio. Allô, Patricia. On va s'appeler par téléphone, c'est bon. Est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends très très mal, Patricia. Le son était bien avant. Et je ne sais pas ce que vous avez fait. Comme le fil de micro avait bougé. Je vais t'appeler, Patricia. Patricia? Allô? Tu m'entends? Patricia? Est-ce que tu m'entends, Patricia? Est-ce qu'on ne pourrait pas couper la caméra là-bas pour économiser de la main? Mais je ne suis même pas sûr qu'ils m'entendent, en fait. Patricia, je suis en train de t'appeler. Ouais, les autres entendent ou pas? que les autres personnes en visio. Patricia, c'est Benoît là. Ouais, le son, on ne vous entend pas en fait. On entend très très mal, comme si le concours avait. Toi, tu m'entends ? Et ouais, mais moi je t'entends pas. C'est... Vous avez trifouillé un micro, j'entends du grésillement et j'entends rien du tout. Alors, est-ce que tu peux me donner par téléphone, on va rester en téléphone. J'en étais rendu à Ignacio, il y avait Kebab. Ouais, tu penses que c'est ça qui. Ensuite, il y avait Montero et Boyer. C'est ça ? C'est ouais, ça il y a... c'est parti, ouais. Oui, c'est bon. Il y avait Laurite. C'est ça ? Hop, il y avait Blondeau. Camille Blondeau, ok, ça c'était bon. D'accord. Oui, oui, je t'ai noté. Je t'ai noté, hop. Ça marche. Ok, et donc je vous demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite être, qui souhaite prendre le rôle de président de séance le but du président de séance, c'est de s'assurer que la séance se termine bien, et surtout de signer le PV d'AG. D'accord. Ok. Dans les commentaires de vote en correspondance, il y avait quelqu'un qui avait écrit aussi, Madame Lebourg, j'aimerais que Madame Charny Benjenejma, que ce soit Madame Benjenejma, pour sa bienveillance et sa réactivité depuis le début de la COPRO. Ok, donc Monsieur Oaro, vous présentez ? Allô ? Oui. Ouais. Je suis désolé, Patricia. Votre micro d'ordinateur, c'est une cata. Hein. Vous entendez bien, vous, Madame Gazal et Alem et... Ah, il y a Monsieur Crozier aussi qui est arrivé. Moi, je t'entends bien, toi, mais pas ce qui se passe dans la bibliothèque. Non, votre micro n'est pas top. Bonsoir, moi je viens d'arriver, je vous entends vous, Nico nous écrit développeur Matera, mais sinon je n'entends pas le reste. Oui, ça, ouais. On entend très mal la salle en fait. Ouais, moi pareil. Je vais rajouter, donc c'est Madame Crozier. Hein. Monsieur Crozier et Madame Ségu. C'est ça, d'accord. Oh, vous venez d'arriver. Oui, Vincent ? Vous nous entendez ? Ah, là c'est mieux. Là c'est mieux. Là c'est mieux. Oui. Bon bah on va rester comme ça. Ouais, là c'est mieux. Ok, je raccroche Patricia. Donc Monsieur bon Oaro se propose d'être président de séance. D'accord. Et moi je t'expliquais. Madame Lebourg. Alors moi je t'expliquais qu'il y a Madame Crozier, enfin Monsieur Crozier, Madame Ségu qui viennent d'arriver en visioconférence. Donc je viens de les ajouter. D'accord. D'accord. Ok. Donc. Ouais, pour oui, et il y a l'enregistrement. Ah oui. Est-ce que ça vous pose un problème, Madame Ségu, qu'on enregistre la visio ? Non. Non ? Ok, très bien, ça marche. Ok. Donc, Monsieur Haro, vous présentez. On a dit ça, Monsieur Haro. Quentin. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent se présenter, il n'y a que Monsieur Haro ? Non, c'est bon, on avance. Allez. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont... est-ce que tout le monde est pour la nomination de M. Ouaro en président de séance ? Oui. D'accord, oui. Ok. Est-ce qu'en visio, il y a des gens qui sont pour aussi ? Oui. D'accord, ça marche. Alors, pour être bien sûr que tout soit bien clair, à chaque fois, je vous demanderai, est-ce que voilà, vous êtes pour ? Et ensuite, s'il y a des gens qui sont contre ou qui s'abstiennent ? Donc, pour qu'on soit bien clair, qu'on n'oublie personne, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent sur ce vote ? Moi, Alem, je m'abstiens. D'accord. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ? Non ? Ok. Bon, a priori, la résolution est adoptée. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de partager mon écran. Comment je fais partager ? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Oui, très bien. OK. Donc, en élection de secrétaire de séance, Patricia m'avait demandé que je puisse être là et que je sois là pour l'aider dans cette mission-là. Donc, moi, je me propose d'être secrétaire de séance. C'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que ma candidature vous convient? Oui. Oui. Okay. Oui. Ok, donc la même question, est-ce que globalement, est-ce que tout le monde est pour? A priori, c'est le cas. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Non? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Non plus? Ok, donc la majorité semble être pour ça. Ok. Alors, en général, le conseil syndical fait effectivement un compte-rendu de son activité. Je ne sais pas, Patricia, est-ce que le discours que tu as tenu au départ, est-ce que ça fait office de compte-rendu d'activité? Voilà, pour moi, oui. D'accord. Okay. Donc, du coup, on classe sans objet. Si tu as fait une note, on pourra très bien l'intégrer au compte-rendu. Hein, parce que c'est parfait. Écrit. C'est voilà. Parfait. Ça marche. Alors ensuite, il s'agit de passer à l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice 2021-2022. Donc, vous pouvez le voir, je pense, sur l'écran, en fait, hein, le vote de la résolution. C'est l'exercice a été arrêté à un budget de 69 106,95 € pour un budget voté à 87 982. Donc, il y a un solde créditeur de 18 875,05 euros. Donc, effectivement, il y a eu pendant à l'envoi de la convocation, il y a eu un certain nombre de documents. Madame Albéro a tenu un très bon rôle de contrôleur des comptes là-dessus, de commissaire aux comptes, et je le remercie pour toutes ces remarques. La question, c'est donc moi, j'ai pris compte de toutes ces corrections sur les différentes écritures qu'il y a pu avoir, également sur tout ce qui était erreur de nom sur le lot de Monsieur Changa. Et je vous ai tout renvoyé sur l'espace Matera. Le sujet, c'était simplement en fait, d'avoir des bonnes dépenses imputées dans les bons comptes de charges, de manière à ce que les régularisations de charges se fassent correctement. Donc, globalement, la somme des dépenses, elle n'a pas changé. C'est juste qu'effectivement, il fallait bien mettre les bonnes charges dans les bons comptes de charges. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes ou est-ce que vous souhaitez qu'on passe au vote? Monsieur Mangui, c'est Madame Albéro. Justement, vous parlez de contrôleur des comptes et la section 5 des dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative prévoit l'Assemblée générale désigne à la majorité de l'article 24 de la loi du 18 juillet 1965 le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu'elle ne préfère confier cette mission à un expert comptable ou à un commissaire aux comptes. À quel moment le syndic opératif, en date de décembre 2021, a demandé à ce qu'on nomme un contrôleur des comptes? Ça n'a pas été fait. Donc, à mon sens, aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de valider les comptes. Alors, en fait, le sujet, c'est justement quand vous avez, un accès aux comptes en temps réel pendant toute l'année, tous les copropriétaires peuvent voir l'état des dépenses et le travail que vous avez pu faire en relisant les annexes comptables, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout au long de l'année et vous pouvez contrôler, surveiller effectivement le budget des dépenses de votre syndic coopératif. Et de ce fait, du coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un contrôleur des comptes. Ah si, l'Assemblée générale désigne à la majorité de l'article 24 le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat. Ça veut dire que c'est une obligation et rien n'a été fait en ce sens. Ce n'est pas tous les copropriétaires qui peuvent valider. Ça, c'est leur rôle le jour de l'Assemblée générale pour valider les comptes. Bah, effectivement. Alors, bon, si vous voulez absolument nommer un contrôleur aux comptes, moi, je vous invite effectivement à pouvoir le faire. Aujourd'hui, vous n'avez pas de contrôleur aux comptes. Mais je redis, aujourd'hui, vous êtes tous à même de pouvoir le faire et vous avez très bien fait le travail. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'au prochain syndic, de nommer effectivement un contrôleur aux comptes et je vous invite à candidater à ce rôle. Alors là, Non, mais moi, je ne suis pas dans les attributions. Moi, ce n'est pas du tout dans les attributions. Non, en tout cas, je vous remercie pour votre flatterie, monsieur Maïdi, mais je ne suis pas comptable. Donc, on nommera un comptable qui nous coûtera un peu d'argent, mais vaudra mieux nommer un comptable. Si vous voulez, c'est votre choix. En tout cas, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget, la répartition du budget, la régularisation des charges? Moi, j'ai une question par rapport au premier tableau qu'ils ont été envoyés. Donc, du coup, j'ai fait remonter un problème hier, comme quoi, bah, avec mon mari, on a été mis avec des lignes séparées. Donc, dans la mise à jour, j'ai revu que vous avez mis que mon mari, du coup. Et la ligne où il y avait les dépenses, donc les prévisions qui sont affectées à mon nom seulement, ils se sont évaporisés. Donc, je me demande pourquoi. Enfin, où est-ce que c'est parti? Tout simplement, en fait, tout simplement, Madame Gazal, que... en fait, le lot numéro 15, il appartient à M. Changa. Et vous, vous avez l'appartement, je ne sais plus quel numéro, mais c'est un autre lot. Et que moi, je suis, honnêtement, je suis incapable de vous expliquer pourquoi, mais il y avait votre nom qui était indiqué à la place de M. Changa. Donc voilà, ouais. Sur les documents, voilà. C'est simplement ça. Mais au niveau, comptable, on a bien une distinction des lots. Donc, en fait, là où il y a écrit le nom de votre mari, c'est bien votre lot à vous. Et après, moi, je ne sais pas par rapport aux actes authentiques de propriété, est-ce que c'est bien vos deux noms qui figurent, auquel cas, ça, vous pouvez tout à fait le mettre à jour sur votre compte, sur votre profil utilisateur. Voilà. Mais en tout cas, il y a bien une distinction des lots et dans les documents que j'ai remis, il y a aucun problème puisque c'était bien dissocié. Votre nom était figuré vraiment par erreur sur le nom de M. Changa. Ok, d'accord. Ok, ouais. Ça marche. Merci. Okay. C'est le lot 6, monsieur et madame Gazal. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les comptes ou est-ce qu'on peut passer au vote sur l'approbation des comptes? Sachant que l'approbation des comptes, je rappelle, hein, c'est ce qui permet de faire les régularisations des charges. Là, en l'occurrence, ça permet de faire des régulations plutôt positives. Et c'est ce qui permet également aux propriétaires bailleurs d'obtenir leur... le décompte de charges annuelles pour pouvoir répercuter les charges locatives à leur copropriété. Moi, j'avais une question, Benoît. Oui, allô. Je voulais savoir, est-ce que les comptes ont été vérifiés par le conseil syndical avant la transmission? Je ne suis pas au conseil syndical, donc je ne sais pas, Patricia, est-ce que tu peux... Les comptes, ils sont vérifiés, tout dépend ce qu'on appelle vérifier. Ouais. Les comptes, ils sont traités, on fait de la facturation, on fait, on règle les factures, voilà, c'est tout. Oui, mais quand ça a été édité, est-ce que ça a été vérifié avant de transmettre, par exemple, comme le fait que Madame Gazal se retrouve sur deux lignes, que Monsieur Changa soit absent? Je veux dire, si ça avait été vérifié en amont, ça aurait absolument pas. D'accord. J'aimerais bien finir ma phrase, s'il vous plaît. Et du coup, Benoît, si tu avais eu la demande du conseil syndical pour la vérification, est-ce que tu aurais pu prêter main forte? Moi, je suis là pour accompagner Patricia dans son travail de syndic qu'elle a assumé. La vérification des comptes, on n'a pas allé vérifier ni elle ni moi ce qui était fait au niveau de la reprise comptable de Foncia, c'est-à-dire de voir qu'il y avait des écritures qui n'étaient pas forcément dans les bons comptes de charge. Tu me corrigeras, Patricia, si je me trompe. Mais on a regardé ensemble, effectivement, pour avoir vérifié que tout le travail que Patricia a pu faire depuis le début qu'elle est dans son rôle de trésorière du syndic coopératif, puis présidente de conseil syndical, on a bien vérifié que tout ce qu'elle avait, elle, catégorisé, était correct, et ça, on a fait ensemble. Par contre, effectivement, aller vérifier dans le détail les erreurs de Foncia, ça, ni elle ni moi, on l'a fait. Ce qui n'empêche pas. Ce serait bien à l'avenir de pouvoir le faire si. Oui. Bah, à l'avenir, c'est j'interviens, Patricia, j'interviens un tout petit détail. Ça a été fait en tout début. On a essayé de regarder des pénalités de retard. Je pensais que ça avait été traité, mais ça n'a pas été forcément traité, je pense. Voilà. Les pénalités de retard par rapport à quoi? Par rapport à EDF. Ah, voilà, c'est tout. Non, ça n'a pas été traité puisque Émilie m'avait relancé. Mais ce n'est pas une critique, hein. J'essaie juste de comprendre comment à l'avenir on peut éviter justement de transmettre. Parce que je veux dire, après, pour les erreurs qui sont complexes, on pourra toujours en reparler. Mais c'est vrai que bah, quand il y a deux noms, c'est sûr que ça saute plus aux yeux que les détails. Mais en fait, c'est sûr que quand on fait une reprise comptable d'un ancien syndic, bah, ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'a pu faire l'ancien syndic, comment il est catégorisé. Madame Albero, elle a eu un très, très bon œil et franchement, je l'en félicite. Voilà, nous notre travail, ça a été surtout d'accompagner le syndic coopératif et notamment Patricia qui a vraiment géré toute la comptabilité pour que ce qu'elle a pu, elle, catégoriser, on soit nickel. Et je ne pense pas, Madame Albero, que vous ayez vu des erreurs dans ce qu'a pu faire Patricia. Bon, après, moi, je ne suis pas expert comptable, hein, ni comptable de métier, de formation. Donc, tout à fait. Voilà. Trois petits points, donc bah, derrière, il n'y a pas eu… Oui, enfin, la catégorisation, ça ne demande pas non plus Bac plus 12. Hein. Il y a plusieurs comptes de charges. La plupart du temps, c'est présélectionné. Après, là où on a eu des difficultés, c'est quand on recevait des virements d'un seul bloc pour plusieurs propriétaires. Et où là, il fallait remonter et c'est assez chronophage où il fallait savoir qui avait payé et combien, sachant qu'il y avait des retards. Parfois, on recevait des paiements sur 3 mois. Donc, c'est là où c'était complexe. Après, voilà, comme je n'ai pas suivi la suite, je ne peux pas. Mais après, ça n'enlève rien au travail que Patricia a fait et je l'en remercie. Elle a fait un très bon boulot. OK. Est-ce que sur approbation des comptes, il y a d'autres questions, d'autres remarques, ou est-ce qu'on peut passer au vote? Je ne sais pas. Oui, parce que nous, on peut pas, on n'est pas assez professionnel. Enfin, on n'a pas les compétences et on n'a pas les diplômes pour faire ça. Mais non, mais on est là pour vous accompagner. Justement, on est là, nous, pour vous accompagner dans cette bonne gestion de la partie comptabilité de ce que vous faites. Voilà. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les régularisations, elles sont quand même les plus clean possibles parce qu'effectivement, il s'agit bien de mettre les bonnes factures dans les bons comptes de charge. Ce travail-là, il a été fait. Sur Matera, il a été très bien mené. Voilà. Moi, je vous propose, c'est qu'on avance, sauf s'il y a d'autres remarques. Mais la question principale, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous décidez d'approuver ou pas les comptes? Benoît, une petite interruption. Monsieur Frédéric Albero est arrivé. Et donc, nous sommes enregistrés. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Albero? Ça marche. De toute façon, il était déjà inscrit avec madame Albero. Okay. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Est-ce qu'on peut passer au vote sur l'approbation des comptes? Moi, j'ai juste une remarque, François Maro. C'est vrai que quand je vois que madame Aldero Cabella, qui a gardé les comptes et qui n'est pas coupable, a déjà relevé pas mal d'erreurs et d'incohérences. C'est vrai que moi, à titre perso, ça m'inquiète un peu en me disant qu'il faudrait quand même que quelqu'un de professionnel puisse jeter un œil. Je me dis juste ça. Quoi. Moi, je n'ai pas. Il n'y a pas de problème, monsieur Waro. Mais j'avoue que ça m'inquiète un peu. Quoi. Eh bien, il peut y avoir. Moi-même, personnellement, la compréhension du document n'est pas simple. Là, en fait, on a voté. Là, c'est Madame Kebab qui parle. Quelque chose que nous ne comprenons pas. Donc, moi, à titre personnel, et je pense que je parle aussi au nom de ma sœur, c'est très inquiétant de voter quelque chose que je ne comprends pas. C'est en aucun cas, voilà, je ne sais pas qui, concrètement, qui a fait les comptes. Ce n'est pas une question de manque de confiance ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour moi. Je ne vois pas pourquoi on vote. Enfin, j'ai du mal à accepter qu'on vote. Qu'est-ce qui se passe si on ne l'approuve pas? Eh bien, on ne peut pas faire de régularisation. En fait, globalement, si vous n'approuvez pas les comptes, vous avez le droit de ne pas approuver les comptes. Par contre, ce qui se passe, c'est que les régularisations de charges, qui là vont être quand même essentiellement positives, c'est-à-dire qu'on va vous restituer, le syndicat des copropriétaires va vous restituer de l'argent, c'est-à-dire que ce ne sera pas fait. D'une part, et que les propriétaires qui louent ne pourront pas avoir leur décompte de charges par rapport à la partie locative et aux charges locatives de manière à répercuter les charges sur leurs locataires. Quand tu parles de décompte de charges, Benoît, je parle sous son contrôle. En aucun cas, le copropriétaire n'a un chèque de la valeur de son décompte de charges. C'est une provision qui est mise de côté pour les futures charges. Exactement, c'est le fait de dire qu'il y a eu des appels de fonds. Je m'exprime bien. C'est un avoir comptable. Effectivement, vous avez versé de l'argent sur le compte du syndicat des copropriétaires qui a permis d'avoir des provisions et vous, par rapport à un budget qui était voté, vous avez dépensé moins que le budget. Donc, ça permet d'avoir de la trésorerie pour le syndicat des copropriétaires, mais c'est bien de l'argent que vous avez versé en trop puisque un syndicat de copropriétaires ne fait pas de bénéfice. Donc, il restitue, mais comptablement. C'est-à-dire que votre solde comptable va être crédité du trop-perçu. Et ce qui va permettre de réduire le montant que vous devrez au prochain appel de fonds. Et si, par exemple, quelqu'un se retrouve créditeur de 200 euros et que le prochain appel de fonds est de 500 euros, il n'aura que 300 euros à payer puisqu'il a déjà un crédit de 200 euros. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ou... Oui. Ouais. Donc, après, ça décalera d'autant pour le moment où les comptes seront approuvés. C'est juste qu'on l'aura, cet avoir, entre guillemets, mais plus tard. Vous l'aurez, sauf qu'en fait, là, le sujet, c'est effectivement de se dire quand est-ce qu'on le fait. Si vous décidez de ne pas approuver les comptes aujourd'hui, il faudra bien les approuver un jour. On se pose toutes les questions. Non, mais bien sûr. Et que normalement... Normalement, les comptes, ils doivent être approuvés. Là, vous aviez votre exercice qui se terminait le 30 juin. Les comptes doivent être approuvés au plus tard, au 31 décembre. C'est pour ça que là, de faire cet AG aujourd'hui, on a fait le travail, je veux dire, de révision. Maintenant, si vous considérez que le travail n'a pas été fait pour pouvoir approuver les comptes ce soir, effectivement, c'est votre choix. Mais à un moment donné, il faudra bien effectivement refaire à ce moment-là, refaire ce travail de vérification des comptes et en vue de les approuver pour pas vous pénaliser. Parce que quand vous dites on a fait le travail, vous parlez de qui ? Il y a Madame Albéro qui a fait des remarques, qui a observé qu'effectivement le relevé général des dépenses de Foncia avait des erreurs. J'ai fait le travail de réécriture effectivement pour rebasculer. Les dépenses dans les bons comptes de charge. Aujourd'hui, moi, les documents que je vous ai envoyés sur la plateforme Matera, ils reprennent bien effectivement les corrections qu'il faut, quoi. Le sujet, il est que ça. En fait, quand on dit on n'approuve pas les comptes, c'est que ne pas approuver les comptes, c'est simplement pour permettre au syndic en charge des comptes de reprendre les choses qui n'étaient pas forcément correctes. Moi, je pense que vous n'avez pas, à mon avis, vous n'avez aucun intérêt en fait à désapprouver les comptes aujourd'hui parce que à moins que Mme Albéro ait vu d'autres choses ou que d'autres personnes aient vu d'autres soucis. Si Mme Albéro n'avait pas fait le travail qui n'a pas été fait, comment ça se serait passé? On aurait approuvé les comptes qui étaient faux. Ils sont faux. Enfin, je vous redis. Oui, vous auriez approuvé. J'ai une question, Benoît. Si jamais on fait vérifier les comptes par un expert comptable et que le expert comptable dit qu'il n'y a pas de souci, est-ce que les personnes qui veulent faire appel à un expert comptable sont prêtes à rembourser la copropriété ? Non, on est tous ensemble, on n'est pas. À la base, non. Je vous rappelle, Madame Benejma, qu'à la base, la section 5... disposition particulière de la forme coopérative oblige la nomination d'un contrôleur. Oui, mais Madame Albéro, depuis le début, vous voulez faire faire. Ça n'a pas été fait. Madame Albéro, depuis le début, vous voulez faire faire à Matera ce que aucun syndic ne fait. Pas grave. S'il vous plaît. On va pas y faire. S'il vous plaît. Je pense qu'on a tous une vie. Donc, si on veut que les comptes soient vérifiés, ils le seront. Mais ça ne sert à rien de chercher la petite bête qu'on est en train de perdre du temps. C'est pas une petite bête, de ce qu'on parle. Il s'agit de 1500 euros de charges d'ascenseur sur le bâtiment A et de 800 euros de charges d'ascenseur sur le bâtiment C. D'électricité. Est-ce que ça a changé les bien sûr. Bien sûr. Parce que la répartition, il y a 15 copropriétaires sur le bâtiment A Et 14 sur le bâtiment C, c'est divisé par chaque copropriétaire. Et le bâtiment B s'en sort super bien dans l'histoire. En fait, ça se fait par rapport au tantième et que, effectivement, Madame Agor a raison. Le fait de dire qu'il y a une dépense qui est imputée sur un mauvais compte de charge, ça peut avoir un impact sur tout le monde par rapport au tantième de charge. Les répartitions, elles ont été refaites au niveau des charges d'ascenseur. On a bien tout repris. Et aujourd'hui, les documents que je vous ai présentés, ils ont bien repris ça de manière à ce que tout soit bien équilibré. Donc, maintenant, vous voulez contester ou mettre en cause le travail que vous faire par rapport à ça. Ma question, ouais. C'était si on restait comme on était, qu'on avait approuvé les comptes, qu'est-ce qui se passerait? Si vous aviez approuvé les comptes, les régularisations… Et on repartait l'année prochaine sur la même base. Alors, si vous aviez approuvé les… Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, puisque les régularisations qui se sont… Enfin, c'est-à-dire, ce que vous avez pu observer dans les comptes, c'était les sujets sur ce qui a été fait par Foncia. Au niveau de la reprise comptable, ce qui se fait quand on fait un changement de syndic, c'est qu'on reprend simplement les soldes comptables de chaque compte de charge et on continue là-dessus. Et nous, notre travail, c'était, comme je l'ai dit, c'était de s'assurer que le travail du syndic coopératif et la partie financière que Patricia avait en main, ce soit bien fait et qu'il n'y a pas d'erreur de catégorisation là-dedans. Nous, maintenant, on ne peut pas gérer les choses que Foncia a bien fait ou mal fait. Non, mais par contre, effectivement, c'est que la remarque. Mais sur plusieurs années, je crois que c'est M. Albéro. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, les erreurs, quelles que soient les erreurs. C'est un an, c'est pas plusieurs années. En fait, peu importe les erreurs. En fait, ce que je veux dire. Ça ne fait rien. On serait parti sur la même. Déjà, ce n'est pas 2 ans, c'est 1 an. Si vous voulez, c'est sur 1 an. Et l'année prochaine, personne n'aurait rien vu. On serait parti sur 2 ans. C'est bon, parce que là, il y aurait eu tous les calculs. Tu disais qu'il y aurait bien des calculs. Tu sais qu'il y aurait refait les calculs. Justement. En temps réel. C'est ce qu'il nous explique. Ce que je vous explique, c'est que. Parce qu'il y a eu la reprise de Foncia. Il y a eu une erreur de classement. Il y a eu une erreur de classement pendant la transition avec Foncia. Donc c'est différent. Excusez-moi, on a révoqué Foncia pour faute de gestion. Ah, mais il y a des fautes de gestion côté d'accord. Foncia, ça c'est sûr et certain. On a révoqué Foncia. On a tout fait preuve. Pour faute de gestion. Et aujourd'hui, on accepte tout simplement. Les erreurs qui ont été reproduites de Foncia. Vous trouvez ça normal? Non, mais ça, c'est une migration. Ben, vous acceptez. Je suis désolée. On ne l'accepte pas. Si, elle a été corrigée par vous, tant mieux. On devrait accepter que la transition se soit faite de façon erronée. Quand on reprend la gestion de copropriété, on en reprend aussi ses comptes, surtout si on a condamné l'ex-syndic de faute de gestion. C'est la moindre des choses. Et ça a été, oui, effectivement, il ne faut pas avoir Bac plus 12. On a condamné personne, on n'est pas juge. Pour trouver les erreurs. On n'est pas juge, on a condamné personne. Bon, en tout cas, OK. Plutôt d'accord pour prendre un expert comptable. OK, donc la question, si vous voulez, on peut passer au vote pour qu'on puisse avancer, parce qu'il y a aussi pas mal d'autres sujets. La question, c'est est-ce que vous souhaitez approuver les comptes 2021-2022 globalement? Globalement, non, d'accord. Globalement, oui. OK, globalement, je mets contre. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont pour? Allô. Est-ce qu'il y a des j'entends que majoritairement dans la salle, c'était des contre. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont pour l'approbation des comptes? Moi, je suis pour. Nous, on est pour. OK, d'accord. OK, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Il ne le sait peut-être pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'abstenir? Voilà. Moi, je m'abstiens. Enfin, Madame Gazal, je m'abstiens. Madame Ségu aussi. Madame comment? Ségu. Allô? Ségu, et il y avait aussi Madame Gazal. OK. Deux abstentions. OK. Ça marche. Est-ce que c'est bon? J'avais juste une question. J'attendais que vous finissiez. Pour le budget prévisionnel, là, d'après ce que je vois, on a du coup consommé moins que ce qui a été prévu. Et pourquoi le budget prévisionnel à voter est plus grand que ce qui a été prévu? Si vous voulez, on va terminer l'approbation des comptes. C'est que, bon, là, okay. Globalement. Voilà, j'entends qu'il y a eu 2 abstentions plus les votes par correspondance. Donc là, globalement, la résolution, elle est rejetée. OK. Donc, ça veut dire qu'il faudra réapprouver les comptes 2021-2022 de manière à pouvoir faire les régularisations des charges et aussi gérer les crédits, puisque au global, c'est aussi ça qui comptera. Mais effectivement, ça peut jouer sur des écarts de régulation entre les différents copropriétaires. Il y a une résolution ensuite qui est de donner ou non le quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 30 juin 2022. Est-ce que l'Assemblée générale donne le quitus plein, entier, sans réserve au syndic de la copropriété pour sa gestion ou non? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le quitus? Alors, donner le quitus, c'est le fait de déresponsabiliser le syndic. Effectivement, si vous approuvez les comptes et que derrière vous donnez le quitus à un syndic, vous déresponsabilisez, vous déchargez le syndic des responsabilités si plus tard on constate qu'effectivement il a pu faire des erreurs, des fautes de gestion, etc. D'accord ? Donc concrètement, ça veut dire que si vous donnez le quitus, vous déresponsabilisez aujourd'hui la représentante légale du syndic coopératif qui est Patricia. Si vous ne lui donnez pas le quitus, ça veut dire que vous ne la déresponsabilisez pas de son poste de syndic sur la gestion arrêtée au 30 juin. Est-ce que c'est clair du coup sur le principe de cette résolution? Oui, est-ce qu'il s'agit de Patricia et Émilie ou est-ce qu'il s'agit de Patricia et Émilie et l'ensemble Matera? Au jour de l'AG, c'est le syndic qui est en place. Le syndic qui est en place en syndic coopératif, c'est Patricia et Émilie. Donc aujourd'hui, la question de donner le quitus, elle se fait par rapport au syndic en place. Donc, concrètement, enfin, si vous voulez qu'on mette les choses noires sur blanc, ça veut dire, est-ce que vous donnez le quitus à Émilie et Patricia dans leur gestion arrêtée au 30 juin 2022? Voilà. J'entends plus trop, là, du coup. Benoît, j'ai une question, c'est Alem. Allô. Oui. Là, si on fait vérifier les comptes par un comptable, donc il pourra éventuellement, alors à condition qu'on trouve un comptable rapidement, donc lui il pourra vérifier et donner la validation. Et donc, auquel cas, Émilie et Patricia, quelque part, elles auront, on peut estimer que c'est OK. Oui, donner le quitus ou pas, le truc, il est. Moi, en général, je n'ai jamais été pour donner le quitus. Voilà. Je trouve que les syndics pro ont tendance à mettre ça par défaut pour se déresponsabiliser facilement. Moi-même, je suis président de conseil syndical de deux copro et quand on était en syndic pro, on n'a jamais donné le quitus. Mais les syndics pro ont tendance à vouloir faire ça pour se déresponsabiliser. Je ne trouve pas ça pertinent, honnêtement, de la mettre. Voilà. Oui, sachant que là, s'il y a des erreurs de gestion, c'est pas du détournement de fonds ou voilà, ça peut être des petites erreurs comptables qui de toute façon n'engageront pas lourdement ni Patricia ni Lily parce que. Bah, j'en sais plus que ça, putain, que ça nous engage. Hein. On s'est retrouvés à deux et en plus on serait responsable des trucs. Ouais. Donc, moi, je vous explique effectivement en quoi consiste le quitus. Maintenant, vous pouvez. En fait. Monsieur Magui, cette résolution est-elle obligatoire? Elle est obligatoire à partir du moment où ça a été. En tout cas, vous allez devoir vous exprimer dès lors qu'elle a été mise à l'ordre du jour par le syndic. Ensuite. On n'est pas obligé. Alors, dans une convocation d'AG, on n'est pas obligé d'inscrire à l'ordre du jour de donner le quitus et que quand on le donne, en fait, quand on ne l'affiche pas, en fait, comment dire, pour être clair, en fait, le fait de ne pas afficher cette résolution-là fait qu'on ne donne pas le quitus d'office. On demande de donner le quitus, c'est que le syndic pro aime bien mettre ça pour pour se déresponsabiliser, pour qu'on se désengage. Apparemment, c'est comme eux, là. Apparemment, c'est comme eux, là. Ben oui. Alors, en fait, de donner le quitus, ça veut dire qu'on déresponsabilise concrètement, pour que ce soit clair pour vous, s'il vous plaît. C'est clair pour vous. Si vous donnez le quitus, ça veut dire que vous déresponsabilisez entièrement Patricia et Émilie. Bah, des conséquences de ce qui se fait, d'accord. Si vous ne donnez pas le quitus ou si vous classez sans objet, ça veut dire que vous ne donnez et, ou si vous n'aviez pas mis à l'ordre du jour cette résolution, ça voudrait dire que vous, vous laisseriez planer une part de responsabilité sur les épaules de Patricia et Émilie. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ça veut dire que si vous donnez le quitus, clairement, si vous donnez le quitus, si vous donnez le quitus à Patricia et Émilie, en gros, on va dire que gentiment, vous leur dégagez le ciel. Si vous le votez pas, si vous votez contre ou si vous vous classez sans objet, eh ben, éventuellement, elles ont toujours un petit nuage qui pourrait tomber dessus si vous décidez de les attaquer parce que vous trouvez que leur gestion n'a pas été bonne. Voilà. Oui, elles ont une protection, elles ont quand même une protection de l'autre. Oui, elles ont. Parce que l'objectif, c'est pas d'attaquer Émilie et Patricia. L'objectif, c'est de protéger la copropriété. Exactement. On est d'accord. Voilà. Exactement, que quand on fait ça, c'est toujours vis-à-vis de l'intérêt de la copropriété. D'accord. Donc. Ok. Et est-ce qu'on peut passer au vote de cette résolution? Il y a Machta qui a une question, je crois. Ouais. Oui, et Madame Gazal? Oui. Vous pouvez rallumer votre micro? Oui, je vous entends. Vous aviez levé la main, apparemment. T'as la main levée. Non, c'était il y a tout à l'heure. Ouais. D'accord, ok. Vous pouvez peut-être... est-ce que moi, je peux décocher la main? Baissez la main, c'est bon, j'ai rebaissé la main et vous pouvez recouper votre micro. Ok, donc globalement, qu'est-ce qu'on fait pour le quitus? On donne le quitus à Patricia et Émilie? Oui. On est tous d'accord? Ok. Moi, je suis contre, Benoît. Et ce n'est pas contre Émilie et Patricia. Mais c'est vraiment pour protéger la copropriété dans le sens où on a une protection juridique et qu'en cas de défaillance ou autre, si on doit perdre de l'argent ou je ne sais quoi, et ben, la copropriété sera toujours protégée. Et je précise pour les langues mal intentionnées que j'aurais fait pareil pour moi. Ok. A priori, vis-à-vis de l'ensemble des votes, c'est validé. La résolution est adoptée. Toutes les personnes qui ont fait partie du conseil syndical. Non, c'est en fait c'est. Attends, je voudrais entendre la réponse. Est-ce que ça concerne tous ceux qui ont fait partie du conseil syndical à un moment donné ou à un autre, ou que ceux qui restent jusqu'à la fin? Ben non, parce que aujourd'hui l'approbation des comptes, la présentation des résultats, elle est faite aujourd'hui. Et aujourd'hui, qui est le syndic? C'est le représentant, et clairement, hein, c'est Patricia, la représentante légale du syndic. Donc, en fait, donner le quitus, c'est essentiellement à Patricia que vous le donnez ou pas. Et d'accord, du coup, le quitus, donc, c'est, bien. C'est quoi? C'est une majorité qu'il faut de coup ou Pourquoi? Allô? J'ai pas compris. Est-ce que c'est la majorité qui décide ou non du quitus? D'accord. Ben, là, en fait, c'est comme toute résolution. Vous votez ou non le quitus. Donc, au tantième, là, globalement, le quitus, il a été donné à la majorité des tantièmes. D'accord ? C'est voté à la majorité des présents ou à la majorité des votants ? Alors, si vous voulez revoir, ça se fait à la majorité de l'article 24. Donc, ça se fait à la majorité des gens qui sont présents. Ça, c'est une résolution qui se fait à la majorité de l'article 24. D'accord ? Donc, ceux qui ne sont pas présents ni représentés, ils n'ont pas le droit à la parole là-dessus. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, en tout cas, le quitus, il a été adopté. Enfin, vu le vote qui est aujourd'hui parmi vous, le quitus, il est adopté. D'accord ? Et on passe à la suite ? Merci. Alors, l'approbation du budget prévisionnel pour 2023-2024. Là, le sujet, c'est justement d'approuver. Attendez, juste une seconde, s'il vous plaît. Ouais. Parce que c'est du coup Patricia me disait qu'il y avait une personne de France, c'est ça qui est là. Est-ce qu'on voilà. peut la faire Alors, rentrer ouais, comme ça, il prend okay. un temps pour lui et après on enchaîne sur le déroulé, non? Parce qu'on ne va pas le faire ouais. patienter. Juste. Voilà. Il y aura des questions sur le syndic pro, donc au moins voilà. comme ça, il peut répondre et présenter son agence. Et alors, vous n'avez pas invité Orpi ? Il n'y a que Alors, Orpi, j'ai eu un appel. Elle est souffrante, elle a certainement le Covid. Donc, elle ne peut pas venir. D'accord. Donc là, je vais faire rentrer M. Courbon de IMO de France. Ok. Je ne suis pas étonnée du tout. Bonsoir. Ouais. De l'ordinateur, là, vous en... il y a des personnes en visio qui vous entendent. Ok. Là. Une précision, la vue est enregistrée. Ouais. Ça vous pose un problème. Merci de me recevoir. Moi, je vais. Axel Courbon, je me présente, je suis responsable de l'agence IMO de France de Villeurbanne. On est pas très loin de chez vous, à l'angle de la rue Francis de Pressensé du cours de la République. On fait partie du réseau IMO de France, donc on est une centaine de collaborateurs sur la région, même si vous envoyez dans toute la France des IMO de France, c'est un réseau, c'est pas la même structure. Nous, on est lyonnais, grenoblois et bergalien. On a réparti en 6 agences. Notre principale activité, c'est le syndic de copropriété, l'administration de biens d'une manière générale, mais le syndic de copropriété d'une manière très importante, un peu de gestion, enfin un peu de la gestion locative et accessoirement de la transaction. Donc, on gère, pour vous donner une idée, en copropriété, 20 000 lots de syndic, 20 000 lots principaux, c'est-à-dire 20 000 appartements, répartis sur 550 propriétaires sur la région, donc 15 000 à Lyon et périphérie. Voilà. Plus particulièrement à Villeurbanne, parce que c'est ce qui nous intéresse, on est 14 collaborateurs, on fait quasiment exclusivement du syndic, il y a 2 personnes qui font un peu de transaction, mais c'est assez faible. Donc on a 4 portefeuilles de gestion et demi, à peu près, 4 gestionnaires, 4 portefeuilles de gestion complets, c'est un gestionnaire, un assistant et un comptable. Alors, comptable. Ah, il est inclus alors dans les devis. Ah oui, bien sûr. Le forfait prestation. C'est une obligation. Alors après, j'y viens si vous voulez. Mais voilà, donc on est on a 10 personnes en syndic, plus en alternant. Embauché à la fin de sa cinquième année qui va terminer cette année. Donc c'est cinquième année d'études. Oui. Ah, oui. Cinquième année d'études, oui. Donc c'est pour ça qu'on aura 4 portefeuilles et demi. Voilà. Et donc on gère à peu près 6 000 lots de syndic sur l'agence de Villeurbanne, répartis sur 110 copropriétés. Donc on a des ensembles assez grands, ce qui est agréable à travailler aussi et qui permet de ne pas être trop chargé, parce que si vous faites le ratio, ça fait en moyenne moins de 30 immeubles par gestionnaire. Donc, c'est une moyenne qui est très correcte par rapport à beaucoup d'autres confrères. Et 6 000 lots, pareil, si vous l'écoutez, on est à moins de 1 500 lots systématiquement sur les portefeuilles. Enfin, les plus grosses copropriétés sont 300 lots à peu près. Il y a aussi des petits, mais voilà, c'est des copropriétés moyennes, on va dire, comme la vôtre, qui constituent l'essentiel de notre portefeuille, de notre métier. Voilà. Le fait d'avoir autant de gestion de copro, ça vous pose pas de problème? Vous arrivez à bien gérer? Ah ben, bien sûr. Ouais, on est dimensionné pour. Après, justement, on n'a pas une croissance extraordinaire. On ne récupère pas 50 immeubles par an. On fait d'ailleurs pas de. On n'a pas de d'accord, on va dire, avec le promoteur qui nous permettrait de rentrer des choses, ce n'est pas notre souhait. On sait gérer une neuf. Non, parce qu'on m'a fait comprendre que gérer une contrôle comme ça avec d'autres, ça sera un peu bâclé. Alors, après, il y a un modèle économique. De toute façon, on ne peut pas gérer une seule copropriété, ce n'est pas possible. Donc, non, mais ça ne fait pas peur, c'est pas le secteur. Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Ouais, d'accord. C'est un métier qui mobilise beaucoup de personnes, le syndic. Donc, il y a forcément. Il y a qui, par exemple, dans le métier qui gère une copro? Vous avez le comptable, l'assistant. En l'occurrence, nous, c'est que des assistantes au cabinet. Donc, l'assistante qui est votre point d'entrée, on va dire, pour tous les sujets du quotidien. Oui, pour une panne, pour une bricole. Et après, votre gestionnaire qui est votre interlocuteur aussi privilégié pour tout le reste. Et après, peu importe. Enfin, l'assistante sait répondre à des questions comptables. Le gestionnaire, bien évidemment, et vice versa. La comptable, vous ne lui demanderez pas des trucs de travaux. Par contre, elle ne chiffre pas. Pépin, ou si c'est en arrêt maladie, alors déjà on est nombreux, donc ça veut dire qu'on peut prendre le relais sur d'autres agences. Ils sont très nombreux, mais il leur manque beaucoup de personnel. Et on n'a pas du tout le même fonctionnement de Foncia. On a une conception du métier qui est, je ne vais pas dire diamétralement opposée, mais qui n'est pas du tout la même. Et bien moins gros, mais par contre on a des directeurs, on a des gens qui prennent le relais, qui font tous de la copropriété, parce que bien souvent dans le cabinet d'administration de biens, le syndic c'est là où on voit le plus de choses, où ça nécessite les grandes compétences en matière juridique. Donc tous les directeurs ont déjà fait de la copropriété et prennent le relais. Quand j'ai des gestionnaires en arrêt maladie, d'une part, on est dimensionné pour absorber un temps. Bah, il y a l'assistante aussi qui gère. Et on peut se passer d'un gestionnaire pendant une semaine. Ce n'est pas le drame. Ils prennent aussi des vacances accessoirement. Donc, pendant ce temps-là, voilà, on est là pour superviser et éventuellement faire appel à... On est 4 agences à Lyon. Donc, j'ai eu... un collègue de Lyon, du centre, qui a été absent, qui a eu un décès. Une période difficile, on a tenu ses assemblées générales, on est allé sur ses immeubles, on s'est réparti les tâches entre 4-5 directeurs ou responsables de service pour assurer. Après, on n'est jamais à l'abri. Il y a des problèmes. On peut avoir des problématiques. Après, on peut avoir recours, dans le pire des cas, à de l'intérim. Si jamais il y avait des choses qui devaient être catastrophiques. Mais bon, on n'a pas encore eu ce genre de cas. Ça fonctionne bien. Et on a une taille qui est intéressante. On n'est pas très gros. On n'est pas tout. Donc, ça nous permet de redispatcher quand même. Il ne faut pas que ça dure une éternité. Ça devient compliqué. Mais ça permet de mobiliser des forces qu'on a dans d'autres agences. En comptabilité, j'ai une collaboratrice qui est en mutant thérapeutique en ce moment. Donc, elle bosse qu'à... son travail est absorbé partie sur une autre agence. Voilà, qui peut se permettre de faire ça. Donc, c'est la manière dont on fonctionne, elle convient, et on a cette volonté de ne pas surcharger les gestionnaires, de leur offrir un cadre aussi de travail, qui soit acceptable, parce que c'est un métier aussi où on peine à trouver des gens, ceux qu'on a, on peut les garder, donc on s'en préoccupe et on n'a pas trop de turnover justement comparé à d'autres structures. On sait, je crois qu'en ce moment ils cherchent 11 gestionnaires. Vous imaginez, c'est quasiment ce qu'on a dans notre cabinet. C'est incroyable. Mais ils ont racheté des tas de régies, ils ont une autre, c'est une autre politique, c'est autre chose. Donc à chaque fois qu'ils rachètent une régie, y a des gens qui partent parce qu'ils ne veulent pas travailler pour Foncia. Il y a beaucoup de jeunes. Donc, c'est pas tout la même chose. Sans être non plus. On a des moyens, un peu on n'a pas autant de moyens que Foncia, qu'on s'y est, mais on a quand même une taille qui nous permet d'en avoir. Et puis, on est un réseau, donc on a un support, une maison mère, on va dire, on a des logiciels, on a de la formation continue, interne. Voilà, on a tout pour bien bosser. Et on... Donc, voilà, après, on vous a fait donc une proposition de syndic. Aujourd'hui, ce n'est pas le modèle que vous avez qui est en place sur votre propriété avec un syndic professionnel qui fonctionnait un peu différemment. C'est pour ça que je répondais à madame, si la comptabilité est inclue, le contrat de syndic et le métier de syndic, il est encadré par la loi. D'ailleurs, le contrat, on a tous le même. Si vous avez des contrats de confrères, ben voilà, vous devez avoir le logo qui change, mais toutes les lignes sont les mêmes. On a quelques les honoraires qu'on change, les visites, les choses comme ça. Mais sinon, c'est tout cadré. Donc, bien sûr, tout est compris de A à Z dans la gestion de vos propriétés. Après, bien sûr, il y a des choses. On n'est pas. Il n'y a pas 50 visites. Il y a des sujets qui sont des fois plus complexes et qui ne relèvent pas de la gestion courante. Ça aussi, la loi l'a défini, hein, ce qui est la gestion courante, ce qui est un peu exceptionnel, etc. Et vous avez des honoraires classiques, et classiques, ce que vous avez dans le contrat. Et éventuellement, ça dépend des cas. Des choses qui peuvent potentiellement, pardon. Oui, des choses qui peuvent s'ajouter, mais c'est, on en a très peu, on ne pratique pas comme le font aussi certains confrères, la facturation annexe qui passe l'entendement. Par contre, si une procédure judiciaire, vous êtes, typiquement, il y a des honoraires complémentaires, éventuellement, à la vacation, des rendez-vous chez les avocats, des expertises judiciaires, des choses comme ça qui peuvent prendre du temps. Le quotidien, l'administratif, ça c'est compris dans le contrat, c'est quelque chose, on gère, on n'est pas des avocats, justement, c'est pas dès que je lève le stylo, je facture 100, 100 ou 200 ou 300 ou plus. Non, mais par contre, quand on a à se déplacer, quand il y a des choses, et puis c'est chronophage, quand on veut bien le faire, ça demande de l'investissement et éventuellement. C'est des vacations. Donc, c'est à l'heure. Vous avez la maîtrise là-dessus, quelque part. Et puis, on est transparent. Et bien souvent, on ne facture pas autant d'heures qu'on passe parce que vous allez vous retrouver à la fin d'année. Enfin, sur certaines copropriétés, on a des procédures judiciaires, des expertises où on se voit très régulièrement. On a peur quand on présente les comptes, quoi. Enfin, c'est toujours, c'est pas agréable pour nous non plus, hein. Mais ça, c'est le temps qu'on y a passé. Est-ce que vous pouvez reprendre une procédure en cours ? Bien sûr. Encore une fois, vous êtes une copropriété, fonctionnez avec un syndic professionnel ou autre. Si vous faites appel à un professionnel, bon, encore une fois, à un autre système, enfin, les contrats ne changent pas, la procédure, elle est là. C'est juste que vous avez un mandataire désormais qui est différent, et c'est lui qui va s'en occuper. C'est lui qui sera votre représentant. Je vous dis ça, c'est parce que j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas. Ah bah si, bien sûr, et heureusement, parce que sinon, vous seriez captif du système dans lequel vous êtes ou d'un syndic avec lequel vous seriez, et du coup, vous ne pourriez pas en changer tant que la procédure n'est pas aboutie. J'en ai récupéré, j'ai une grosse procédure à confiance sur un immeuble neuf, c'était géré justement par Foncia avant, on l'a récupéré, ça fait 10 ans que ça dure, enfin voilà, ils en ont fait 7, on en a fait 3, on verra juste... Excusez-moi, j'ai une question. Excusez-moi. Oui, je n'ai pas entendu quel syndic vous représentiez. IMO de France. D'accord, merci. Voilà, après, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, j'ai ou si une question aussi concernant les marchés des travaux. Effectivement, vous demandez une rémunération, parce que ça peut être aussi ou apparemment aux propriétaires. Certainement sur les éventuelles recherches de marché en revenant. Non, sur les recherches. Encore une fois, c'est encadré. Donc, le vote des honoraires sur travaux exceptionnels, d'accord, ça se vote en Assemblée Générale à la même majorité que les travaux que vous votez. Donc, le travail préparatoire de recherche de devis et autres, non, ce n'est pas facturé. Après, pour voir ce que c'est comme. Alors, vous n'avez pas des travaux, je pense, quand même énormes à prévoir, derrière, on peut avoir besoin de faire appel à des maîtres d'œuvre, à des économistes, à des gens dont c'est le métier. Parce que quand ça devient technique, nous, on est avant tout un interlocuteur juridique, administratif, financier, mais pas technique. On le maîtrise par la force des choses parce que l'expérience nous a apporté un savoir là-dessus. Mais par contre, il y a des gens, on n'a pas de responsabilité, on n'est pas assuré quelque part pour ça. Et puis chacun son job, c'est mieux comme ça. Et pour vous, ça vous sécurise de faire appel à des professionnels. Du coup, si je récapitule un peu, si on vous demande demain, par exemple, que nous, on veut faire installer des digicodes sur nos portes intermédiaires, vous allez faire un appel d'offres, enfin, ou en tout cas, vous allez consulter peut-être deux, trois artisans, et ça, vous nous le refacturez par la consultation. Ah ben non. D'accord, ok, non, mais. Non, non, c'est vous qui faites la recherche, c'est pas le conseil syndical. Non, c'est nous qui faisons. Alors après, le conseil syndical reste à avoir un rôle prépondérant hein, dans la gestion de la copropriété, parce que aussi, selon ce que c'est, alors c'est pas très technique, un digicode, ça on le maîtrise assez bien et les entreprises n'ont parfois pas besoin d'être accompagnées. Nous, on n'accompagne pas les entreprises. On le fait éventuellement avec une, histoire quand les travaux que vous envisagez de faire ne sont pas vraiment arrêtés. On a besoin d'un avis sur place, on va se voir avec le conseil syndical d'entreprise. En discutant, on va affiner la chose et du coup, ça va nous servir de base à la consultation des autres. D'accord. Donc là, on se déplacera. Souvent, ça fait l'objet, il y a des visites dans le contrat. Donc moi, je les groupe généralement quand on a des sujets de cet ordre. Et derrière, on consulte. Par contre, si les copropriétaires, si les membres du conseil syndical veulent recevoir les entreprises, elles le peuvent. Sinon, nous, on donne des clés, mais on n'accompagnera pas systématiquement ça. Mais, très bien. Voilà. Et il y a combien de... 4. Non, il y en a 4 dans le contrat. C'est ce qu'on a défini en échangeant pour une copropriété comme la vôtre. Après, c'est aussi ce qui est compris dans un forfait de base. On ne s'arrête pas à 4 s'il faut, d'accord. S'il y a un pépin et on se déplace, on est à côté en plus. Nous, on a eu la volonté à la différence. C'est déjà, vous avez une grille de forfait Oui, c'est dedans, c'est 135 euros la vacation horaire. Mais encore une fois, dès lors qu'on n'a pas fait 15 visites au lieu de 4, je n'ai pas bien de raison de vous facturer une visite. C'est une collaboration. Et on est. C'est le mot, mais on est des commerçants quand même. On est là pour travailler ensemble, collaborer et pas vous assassiner en vacation. La gestion, c'est de la durée. On n'a pas le droit, c'est pas du one shot. Hein. Donc on le sait et quand on fait ce métier depuis longtemps, on se rend bien compte qu'on est obligé de travailler. Et les projets, le temps de la copropriété, de toute façon, c'est un temps long. Donc on s'engage. Les immeubles qu'on a depuis 50 ans. Dernière question, oui, sur la partie commerçante. Non, là, en l'occurrence, on n'a pas approuvé nos comptes, parce que on n'était pas complètement certain de leur validité. Est-ce que, par exemple, si on vous choisissait, vous pourriez faire intervenir votre comptable pour nous aider à les valider, quoi, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez intégrer dans votre... Ce serait déjà fait, je pense. La situation actuelle. Lors de la reprise, exactement. Si c'est quelque chose que vous pourriez. Alors, on peut le faire, de toute façon, et puis après, dans l'absolu, si on est élu, on devient votre syndic. Donc, on récupère tout, on récupère les choses et on les reprend en main. Après, théoriquement, ça pourrait être sujet à honoraire quand on a une année de compte qui n'est pas validée, parce que c'est un peu pénible à reprendre. Il faut tout ressaisir, faut ressaisir toute l'année pour le coup, donc c'est pas terrible. Donc il y a deux techniques, il y a soit les approuver avec des réserves qui devront être levées et éventuellement soumises à la prochaine assemblée générale, réintégrer si c'est un problème de clé de répartition, quels sont les sujets. Soit si vous les rejetez et qu'on doit les représenter, parce que c'est ça, ne pas approuver les comptes, ça veut dire devoir les approuver lors d'une prochaine AG. Alors, soit c'est une AG extraordinaire, ce qui vous coûte forcément de l'argent parce qu'on vous convoque en recommandé, même si vous n'avez pas d'autres frais pour ça. Mais c'est... le faire, ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas de délai pour réapprouver des comptes. Où ça peut être gênant, c'est si vos comptes ne sont pas à l'équilibre et qu'il y a des soldes débiteurs et que du coup, vous avez une un manque de trésorerie. Parce que quand on approuve l'école, les comptes, on solde l'année. Priori, donc, ça veut dire qu'on vous met, on vous impute les débits, crédits de ouais. fin d'année. Donc, quand on a dépassé de 5 000 euros à l'année, bah, voilà, de les représenter un an plus tard, on part avec un handicap. Donc, il faut éviter ça. Ça peut justifier de les faire plus tôt, sinon, on attend à l'année suivante. Et éventuellement, moi, ça m'est arrivé de le faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les postes un peu en masse. C'est-à-dire, plutôt que reprendre ligne par ligne, on s'est servi de la comptabilité qui était en place et on a groupé les choses, moyennant encore en toute transparence avec le conseil syndical. Mais quand on sort les annexes comptables et quand on mouline, on va dire, pour les documents qui doivent être joints à la convocation, vous avez 12 factures d'entreprise de nettoyage, on met une ligne. Okay. D'accord ? On a les 12 factures à l'appui. Mmh. Mais alors, ce qu'on n'a pas, si on n'a pas une année de compte, quand on reprend la suite derrière, c'est nickel. Mais voilà, si on veut fonctionner, que ça ne coûte pas trop de temps parce qu'on le fait gracieusement, entre guillemets, on se met d'accord sur ce genre de choses. Voilà. Okay. Vous avez d'autres questions ? Remarque. Je vous laisserai délibérer. Merci de m'avoir reçu. Merci d'être venu. Bonne soirée. Terminez bien votre assemblée générale et puis je suis à votre disposition. Peut-être à bientôt. Au revoir. Ok. On en était rendu en fait à la question du budget prévisionnel pour 2023-2024. Et je crois que c'est Madame Gazal qui avait posé une question au début sur la question du budget, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout ouais. à fait. Sur le budget prévisionnel de l'année à venir. Pourquoi c'était plus élevé que celui de l'année dernière ? Pourquoi il est plus élevé que l'année dernière ? Tu parles duquel, Majda ? Celui qui est proposé par Patricia et Émilie ? Oui, en fait, l'année dernière, on avait 87 000, alors je vais vous dire les chiffres. Ouais. Ouais, alors que l'année prochaine, on va avoir 95 000 de prévisionnel. Parce que je voulais juste savoir pourquoi il y a... Sachant qu'on a finalement consommé moins que ce qui a été prévu. Et l'assignation donc... Non, l'assignation, c'est hors budget de fonctionnement. L'assignation, c'est comme des travaux, c'est des budgets en dehors. Alors, je refais la question. Sur les tableaux de la page 3/3, de l'annexe 3, on a le total de chaque budget. Donc, le budget pour l'année dernière, donc exercice clos, budget voté, en 2021-2022, il est de 87 982 euros. Et du coup, le budget prévisionnel pour 2023 et 2024, il est de 95 602. Donc, je voulais juste savoir pourquoi il y a cette différence. Ok. C'est une estimation. Ça veut dire que si on ne dépense pas ça, c'est prévisionnel. C'est comme c'était l'année dernière qu'on avait un vote. Après, on avait une estimation, on a dépensé moins. Ça veut dire qu'on a reçu l'argent. Parce qu'il y avait des contrats qui n'avaient pas été comptabilisés. Oui, et après, je crois que c'est pas ça que c'est 80 ans. Ça veut dire qu'on les a. Oui, mais est-ce qu'on est obligé de. d'augmenter ce montant-là de provision, alors que le REX nous dit le contraire, c'est-à-dire qu'on va, on consomme moins que ce qu'on prévoit. Donc pour moi, il faut que le montant de l'année dernière soit le même que celui de cette année, au moins. Sinon, il faut baisser, il ne faut pas plus augmenter le montant. Déjà, c'est une prévision, Majda, hein. Ce n'est pas un arrêté, hein. C'est une prévision. Oui, mais la problématique, c'est que si on passe sur un syndic pro, quelque part, vous lui donnez un peu open bar. Il se dit, ah, c'est bon, je peux dépenser jusqu'à 95 000. Et du coup, il sera beaucoup moins vigilant sur les comptes. En fait, sur la question du budget, effectivement, c'est imprévisionnel. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver dans l'année. On ne sait pas ce qui peut arriver dans l'année. Sur une base, c'est tout. Il faut partir, exactement. Il faut bien partir sur une base. Et la base. Mais pourquoi la base, elle n'est pas la même que l'année dernière? C'est juste ça. D'accord. Moi, je veux juste comprendre. En tout cas, parce qu'en fait, la différence va engendrer forcément des frais de plus chaque mois pour nous tous. Exactement. Pas, on sera bénéficiaire l'année prochaine si, par exemple, on a dépensé 80 000. Non, mais il ne faut pas qu'on dépense pour que derrière, on se dit on sera remboursé. On ne sera pas remboursé, c'est un avoir. Le surplus qu'il y a, c'est un avoir, ce n'est pas un remboursement, du coup, de ce que j'ai compris. En fait, si vous voulez, Madame Gazal, je vais essayer de vous expliquer un peu les choses, et puis à tous les autres aussi. Donc le budget prévisionnel, on est bien sur la question de dire, on essaie d'estimer quelles vont être les dépenses à venir en vue de pouvoir calculer les appels de fonds de l'argent qu'on va vous demander. Et donc, personne n'a dans une boule de cristal savoir ce qui va se passer dans l'année, mais on essaie de se baser sur la taille de la copropriété, sur l'existence des contrats actuels, sur également les éléments de consommation de la copropriété en termes de chauffage, d'eau, etc. Et puis voir tous les services qu'il peut y avoir. Ça, c'est ce qui va permettre de se dire, globalement, cette année, l'année dernière, vous aviez voté un budget autour de 85 ou 86 000 euros à peu près. Et c'est ce qui permet de dire, on pense qu'on sera à peu près là-dedans. Maintenant, ça peut arriver des années qu'on soit en dessous et ça peut arriver des années qu'on soit au-dessus. Et ça, ce n'est pas forcément de la faute du syndic qu'on se retrouve en dépassement de budget. Parce qu'il y a plein d'éléments, notamment la consommation des ménages, l'augmentation des tarifs de l'énergie, etc., qui peuvent venir augmenter les coûts. Ça, c'est un fait. Mais globalement, qu'est-ce qui se passe si on augmente le budget de fonctionnement comme là, c'est fait de près de 10 000 euros? C'est qu'effectivement, Madame Gazal, je vous rejoins sur votre inquiétude, qui est que votre pouvoir d'achat pendant toute l'année, il va être diminué parce qu'on va vous demander un appel de fonds important et que peut-être qu'à la fin de l'année, on vous le restituera parce que on se dit, on va peut-être dépenser 95 000 euros et puis finalement, on sera peut-être qu'à 86 000, voire peut-être moins, on rend de l'argent. Donc, ça donne de l'aisance et beaucoup d'aisance à la copro, mais effectivement, ça me paraît un peu… C'est quand même un montant qui est quand même important. Et voilà, c'est votre pouvoir d'achat toute l'année qui va se répercuter. Donc, si certains, vous êtes prêts à dire, je mets beaucoup d'argent dans la copro et puis je sais qu'en fin d'année, si je fais approuver les comptes et qu'ils sont approuvés, on sera remboursé, pourquoi pas. Moi, ça me paraît démesuré. Et ensuite, pour répondre, donc je vous rejoins, augmenter le budget, c'est effectivement perdre votre pouvoir d'achat toute l'année, mais avec un potentiel, peut-être que vous serez remboursé en fin d'année. Ou effectivement, comme l'a dit Alem aussi, c'est vrai qu'un syndic qui se dit, j'ai 95 000 euros de budget, on peut y aller un peu plus, on peut effectivement augmenter un peu plus facilement les dépenses et se dire, pourquoi allons vers l'économie? Maintenant, votre question, c'est pourquoi ça a augmenté? Oui, moi, si je peux me permettre juste de réagir, ce n'est pas logique, vu le travail qu'on a fourni pour renégocier le contrat, je ne comprends pas que comme ça, d'un coup de baguette magique, on l'augmente à 95 000. Sachant qu'encore une fois, on ne connaît pas l'issue des votes ce soir, si on vote pour un syndic, ce qui est possible, moi, je pense que ça serait risqué parce qu'ils regarderont moins l'économie. Et ils feront moins d'efforts pour aller chercher un devis parce qu'ils ont une latitude. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront, mais personnellement, j'y verrai quand même un peu plus. Est-ce que je peux me permettre? Les 95 000 euros n'ont pas été fournis par un syndic pro. Ce n'est pas le budget prévisionnel d'un syndic pro, c'est le budget prévisionnel du syndic coopératif. Donc moi, je vous rejoins, Mme Gazal. c'est qu'effectivement, il a été quand même sur-budgété. Je n'imagine pas qu'on va dépenser plus de 10 000 euros, ne serait-ce qu'en énergie, j'ose espérer. Mais je rappelle que les 95 000 euros, ça a été fait par le syndic coopératif, par le syndic pro. Non, ils ne sont absolument pas mêlés de l'ordre du jour. Alors, le syndic coopératif vous a proposé un autre budget qui n'est pas celui que vous dites. Et encore une fois, je n'ai pas dit que c'était le budget du syndic. Je disais, si on passe sur un syndic professionnel, moi, je m'inquiéterais du fait qu'ils ne vont peut-être pas gérer les comptes un bon père de famille, ou alors se dire, c'est bon, on a de la latitude, on y va. Et par rapport à un syndic pro, on a de la même manière qu'avec un syndic coopératif, on a tout à fait la latitude de voter ou pas le budget professionnel. C'est-à-dire que le conseil syndical, s'il n'est pas d'accord avec le syndic pro, il propose éventuellement un budget parce que c'est leur rôle et c'est leur boulot. Et si le conseil syndical dit non, votre budget, le budget que vous proposez est trop important, on va le mettre à la baisse, ça sera un budget réduit qui sera proposé au syndicat des propriétaires. Benoît, on peut pas réviser un budget en cours d'année, on est d'accord. Si, on peut. Alors, on peut réviser. On peut réviser. Si vous faites, monsieur, j'ai pas retenu son nom, monsieur Guimau de France, il vous a dit, vous pouvez toujours faire une AG extraordinaire en cours d'année. Bon, ça coûte un peu d'argent parce qu'il faut lancer une convocation, envoyer PV d'AG, etc. Mais vous pouvez tout à fait faire une AG en cours d'année et vous dire. En fait, on voudrait réviser le budget parce que, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas assez prévu ou qu'on a trop prévu et on peut réviser. Et à ce moment-là, l'impact, il va jouer sur les appels de fonds de l'exercice en cours qui viendront. Imaginez que, y a un appel de fonds au 1er janvier sur un budget qui est important. Et ensuite, s'il vous plaît, imaginez que vous ayez vous êtes au 1er juillet, 30 juin. Donc, imaginez que vous avez voté un budget pour le 1er juillet. Et puis, au mois de septembre, vous faites une AG extraordinaire pour modifier le budget. Eh bien, l'appel de fonds de premier jet, il sera basé sur le premier budget qui a été voté initialement. Et les trois autres appels de fonds, ils seront recalculés à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution du budget. Par rapport à l'AG extraordinaire. Oui, c'est que si vous faites une AG extraordinaire, vous pouvez modifier un budget de l'exercice en cours et ça va venir recalculer les prochains appels de fonds de cet exercice. Donc, si vous aviez voté un budget qui est très, très cher, les premiers appels de fonds, ils vont être basés là-dessus. Puis, vous faites une extraordinaire et vous dites, on va baisser les coûts. Et à ce moment-là, les appels de fonds qui suivent, ils baisseront. D'accord ? Mais ça marche dans l'autre sens aussi. Si on se dit, on n'a pas assez prévu, il faut qu'on augmente. Et à ce moment-là, les appels de fonds… À la fin d'année, on ne peut pas être déficitaire. Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais on n'a pas le droit de présenter un bilan négatif. Non. Mais alors, c'est que tu peux très bien avoir un budget, vous avez dépassé le budget prévisionnel. D'accord ? Là, il y a un budget aujourd'hui qui est proposé à 96 000, quelques, etc. Demain, vous faites un budget de 95 602. Demain, ça, c'est du prévisionnel. Vous n'avez pas la boule de cristal. Demain, il arrive un gros problème, je ne sais pas, et vous avez des travaux en plus, et que du coup, vous arrivez à 100 000 euros. Donc, vous avez le droit d'être en déficit parce que vous ne choisissez pas, même sans apparaître de problème. Votre énergie qui augmente tout d'un coup, s'il y a une augmentation, vous êtes en déficit. Et voilà, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est la régularisation des charges. C'est des appels exceptionnels après. Oui, voilà. Oui, mais en fait, vous le faire dans ce sens-là. À la baisse, bah, il vaut mieux faire. On juge du contexte. C'est ça. Pour votre. Sur le montant de celui qu'on a réalisé cette année. Voilà. Oui. Quitte à avoir des appels de points exceptionnels si jamais on est en dépassement. Voilà. Alors, exactement. En fait, ça vite pour mettre 3% de plus pour le complément. Exactement. On peut, là, au-delà de l'approbation ou la désapprobation de ce budget prévisionnel, dire on le désapprouve et on veut un budget à la même valeur que. Ok, alors je vais vous dire justement. Moi, je vous rejoins qu'il vaut mieux. Aujourd'hui, vous avez un budget de 86 000 euros qui se tient. Qui, franchement, vous avez bien vu cette année, vous n'avez pas dépensé autant, etc. 95 000, moi, ça me paraît démesuré. Et l'impact, c'est que si vous augmentez de 10 000, effectivement, vous augmentez vos appels de fonds, vous pénalisez en reste à vivre pour vous. Et oui, que si effectivement, vous dépassiez ce budget, parce que vous avez le droit de le dépasser, c'est à la fin, au moment, à la prochaine AG, vous approuverez les comptes, vous direz, oui, ah ben en fait, d'accord. Il nous manquait 5 000 euros. Et ben, oui. On va redemander un appel complémentaire exceptionnel à ce niveau-là. Très clair. Donc, OK. Donc maintenant, si vous dites, nous, ce soir, on veut voter le même budget. Et l'avantage, c'est qu'avec la plateforme, on peut suivre les comptes en temps réel. Donc chacun aura la visibilité de ce qu'il y a sur le compte bancaire de la CoPro. Et l'état des dépenses. Alors, comme budget, en fait, Benoît, est-ce qu'on peut modifier le montant en plein AG comme ça ou pas? Oui, exactement. Donc, c'est justement, c'est ce que je finissais. Je vous fais ma réponse à la personne qui. C'est M. Warraud. Oui, c'était moi, oui. C'était Merci. M. Warraud. OK, très bien. Donc, effectivement, aujourd'hui, le budget, vous l'avez. Il y a une proposition à 95, mais on peut tout à fait le revoir et se dire en AG ce soir, on vote pour un budget qui est équivalent à celui de l'an dernier. Qui était à 86 750. Ouais. D'accord. On fait ça, du coup, on reste sur le budget qu'on avait 86 000 toute l'année dernière. 3% de plus pour la création, on n'a pas dépensé 4%. Oui, donc on Attends, on est à 69 apparemment. Ah oui, alors 89. Désolé. L'inflation. Oui. Aujourd'hui, si on a fait 69. Si vous avez, parce que du coup, nous en visio, ça fait beaucoup de cacophonie, donc je vous entends pas très bien. Est-ce que Patricia, tu peux me faire une synthèse de la discussion? Oui, on n'entend pas ce qui se passe dans la salle. Patricia, est-ce que tu peux nous faire une synthèse de ce qui se dit, il y a beaucoup de cacophonie. Moi, j'ai entendu que l'idée, c'est d'être a priori dans un budget similaire à cette année. Oui. Mais il y avait un peu de débat là-dessus. Non. Mais la cohésion sur le. Ok. Donc. Nous sommes d'accord. Sur place, nous sommes d'accord. En présentiel, nous sommes d'accord. Ok. Donc 86 750. Oui. En présentiel, nous sommes tous d'accord. Merci, Majda. Vous êtes d'accord sur un 86 750 euros? Oui, pas de rien, je vous en prie. D'accord. Okay. Oui. Pareil pour moi. Un gâteau à... Pareil aussi. D'accord. Est-ce que ce serait possible de remettre le partage d'écran pour le déroulé de l'AG? Ouais. Pardon, je ne vous entends pas. Oui. Qui c'est à moi? Oui, c'est bon. Enfin, j'ai entendu mon prénom, mais du coup, je ne sais pas c'est quoi la question. On disait merci. Ah, bah, je vous en prie. D'accord, très bien. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui. Budget, d'accord. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, ce soir-là, on est en train de faire l'AG. Je vais retravailler ça, parce qu'il faut que je recopie les lignes budgétaires. Et je vais vous le mettre à 86 750 euros, d'accord? Donc, tu repars sur le budget que tu avais préparé. Oui, en gros, exactement. D'accord, donc c'est juste que moi, ça ce soir, je le modifie et puis monsieur Warraud, vous pourrez vérifier quand vous signerez le PV d'AG qu'effectivement c'est bien le budget à 86 750. Est-ce que vous êtes, donc si j'ai bien entendu, vous êtes tous pour hein? Ah oui, oui. Ok, bah, écoutez, alors, il y a quelques personnes qui avaient voté contre en globalement, mais globalement, le budget il sera validé à ce budget-là. Non, mais je pense qu'ils ont voté contre pour les 95 000. Oui, c'est logique. Ouais. Oui, bah, alors en fait, effectivement, les personnes qui votent, les personnes, si on avait augmenté le budget, on n'aurait pas forcément pu prendre tout le monde. Mais là, on est bien dans une amélioration du budget. Donc, moi, je suis obligé de dire qu'ils sont contre, mais bon, ils pourront qu'apprécier. De toute façon, aujourd'hui, c'est bien validé au tantième des présents. On sera bien sur un 86 750. Super. On valide. Okay. Alors maintenant, derrière, ça va être effectivement. Conformément à la loi Allure, c'est l'approvisionnement du fonds Allure. C'est de pouvoir, vous savez que la loi, elle nous demande aussi de prévoir une cagnotte qui est de minimum 5% du budget de fonctionnement pour mettre des sous de côté sur ce qu'on appelle le fonds Allure et ce qui va permettre de provisionner des travaux dans les années à venir. Le minimum légal, c'est 5%. Donc là, c'est calculé automatiquement. Donc moi, je vais le revoir également, parce que quand je vais baisser le budget, ça va me le faire de toute façon, 86 750. Le sujet, c'est souvent, c'est qu'on peut se dire, bah, est-ce qu'on fait plus que 5%? Vous, honnêtement, vous êtes sur une copro qui est neuve, un certain nombre de choses, ça ne me paraît pas nécessaire. Mais bon. D'accord. Surtout mais, pour l'année à venir avec l'expertise judiciaire. Voilà. Mais globalement, ça ferait, si je calcule sur 86 750, ça fera du 4 337 euros au lieu des 4 780 euros. La question est, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Tiens, s'il vous plaît. Pour les travaux, là, c'est une prévision du coup de travaux. Si je comprends bien, c'est une prévision du coup en plus des travaux qu'on peut faire, c'est-à-dire ce qu'on va voter par la suite, par exemple pour la sécurisation de l'immeuble ou enfin mise en place d'une vidéo sécurité. Oui. Alors, c'est ça. En fait, Madame Gazal, le fonds allure, dites-vous que c'est une cagnotte, c'est une tirelire dans laquelle tous les trimestres, vous mettez de l'argent de côté dans une cagnotte. D'accord. Qui va vous permettre plus tard que si vous votez des travaux à une prochaine AG, en fait, il vaut mieux mettre un petit peu de sous tous les mois dans cette cagnotte pour se dire un jour, vous avez des gros travaux à faire. Plutôt que demander un très gros appel de fonds, on va pour ici cette cagnotte pour dire, mais comme tous les trimestres, on mettait un peu de côté, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le montant de l'appel de fonds de ces travaux-là en utilisant là, ce qu'il y a dans la cagnotte. Ça permet en fait de dire, vous voyez bien, c'est plus facile en mettant un petit peu tous les mois que tout d'un coup, on me demande une grosse claque. Là. Et moi, ouais, par exemple, dans ma copro, par exemple, dans ma copro, par exemple, on vous entend pas très bien dans la salle. Ouais. Dans ce que je voulais vous donner comme exemple, c'est dans ma copropriété, l'an dernier, on a fait mettre en place... Ça va sans doute vous parler parce que vous avez le problème d'accès. Moi, je n'avais pas de contrôle d'accès dans ma copropriété. J'ai beaucoup de gens qui défonçaient les portes à coups d'épaule parce que les clés, ça ne rentrait pas bien. On a mis en place des badges vigiques pour que les gens arrêtent de taper dans les portes et essayer de préserver nos portes d'entrée. Et il y en avait pour 13 000 euros pour installer tous les badges vigiques. Et on a voté en AG de dire, eh ben, on va utiliser 5 000 euros de fonds allure et 8 000 euros d'appel de fonds. Donc, on a demandé moins d'argent aux gens parce qu'on a utilisé cette fameuse cagnotte. Et ensuite, quand j'ai eu ces 13, donc on a validé le budget et le devis à 13 000 euros, on a pris celui que j'avais trouvé qui était le moins cher et qui travaillait très bien. Et ensuite, une fois l'AG passé, moi je suis allé renégocier auprès du prestataire. J'ai dit, écoute, j'y suis allé à négo et en fait j'ai obtenu 11 000 euros. Et résultat, le fonds allure, il a servi à payer 8 000 euros de, je ne sais plus si 8 000 ou 5 000, je ne me rappelle plus dans quel ordre. Mais globalement, on a fait baisser les coûts avec tout ça et ce fonds allure, il vous sert à ça. Il sert à mettre un petit peu de côté pour faire des travaux et payer des gros travaux plus tard. D'accord. Donc c'est plutôt intéressant. Je voulais finir. Laurie, tu as une question. Concernant la cagnotte, le montant net serait défini ou à la soirée des femmes des anciens ? Je n'ai pas entendu la question. Le montant global, on a déjà. Par contre, le reste, et après, c'est avec elle. L'année dernière, on a défini, je crois, 60 000 euros. On est plutôt d'accord ici pour continuer sur le minimum à 5%. D'accord, très bien. Donc, on parle là-dessus. Globalement, j'entends que tout le monde est pour dans la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Enfin, je n'ai pas encore posé la question. C'est plus par rapport au budget là, de 5 000 euros. Ça va s'ajouter à tous les frais qu'on va engager aussi pour des travaux qu'on va discuter à d'autres points, qui sont justement la sécurisation de l'immeuble. C'est des sujets qui sont urgents et qu'on va devoir du coup payer. Enfin, des devis avec des montants qui ne sont pas négligeables. Et donc moi, je vois que voter en plus un budget prévisionnel de travaux pour mettre de côté de l'argent, bah, je comprends tout à fait l'intérêt de ce budget-là pour plus tard, mais il faut pas oublier que c'est un budget supplémentaire qu'on va devoir engager l'année prochaine. Enfin, je trouve ça un peu lourd d'assumer tout ce budget-là. Tu peux puiser dedans, Majda. Il suffit juste de faire un vote. On peut se servir de ce budget-là pour payer, par exemple, les digicodes d'autre chose. D'accord, ok. Ouais. On a 7000 euros aussi, on avait voté l'année dernière pour un budget travaux. D'accord, ça marche. On a aussi 2500 euros qu'on n'a pas utilisé pour la bibliothèque, ou 2000 euros, je ne sais plus le montant. Ça, d'accord. C'est des choses. Ok, bah, très bien. Donc globalement, vous êtes pour mettre de côté 5% de fonds allure tous les ans. Oui. Okay. Donc, je repose la question, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent sur cette décision? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Non. Non plus? Ok. Ça marche. Eh bien, écoutez, globalement, c'est validé. Ok, on avance. Calendrier de financement. Donc là, le sujet, ça va être de se dire, de valider le financement. Donc, évidemment que les chiffres que vous voyez apparaître, ils sont faux, puisqu'on est toujours sur le budget à 95, mais ce sera terminé. Le sujet, c'est surtout de se dire sur quel planning de calendrier on se met. Est-ce qu'on reste sur un planning trimestriel, de dire on fait un appel de fonds le 1er juillet, le 1er octobre, le 1er janvier et le 1er avril? Ou est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce que vous les travaillez? Très bien. Okay. Très bien, pareil. Tout le monde est pour globalement. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Non? Ok. Donc c'est validé. Ça remonte un peu. Le client calcule. Ah, bien, c'est parce qu'il est en train de calculer les. Il est en train de calculer les appels de fonds que ça correspondrait. Alors, ensuite, la question, elle est de poser le seuil de consultation du conseil syndical. C'est de pouvoir définir à partir de quel moment le syndic vous l'autorisez à engager des dépenses sans forcément consulter le conseil syndical. Donc, souvent, ça sert pour les dépenses courantes, les petits budgets, les petits frais de fonctionnement, de manière à ne pas forcément embêter le conseil syndical pour le moindre petit truc, la moindre. Il y a une ampoule à changer, on va demander au conseil syndical si vous êtes d'accord. Il y a un débouchage de conduite d'eau usée, etc. Par contre, voilà, donc voilà, c'est de se dire à quel moment, quelle autonomie, quelle liberté on donne au syndic pour faire son travail sans forcément embêter trop le conseil syndical. Ce qui n'empêche pas, ce n'est pas parce qu'il y a un seuil, c'est un seuil qui rend le truc obligatoire, ce qui n'empêche pas que le syndic peut très bien informer en dessous de ce seuil, de dire, écoutez, là, on va engager des frais pour telle ou telle chose, on peut tout à fait informer le conseil syndical. Hein. Monsieur Mandy, cette résolution, elle a été votée déjà à l'Assemblée du 23 juin 2021. Tout à fait. Elle a été fixée à la majorité à 500 euros, donc je pense qu'on peut reconduire, à moins qu'il y ait quelqu'un qui s'y oppose, parce qu'elle avait été votée à la majorité. Très bien. Si tout le monde est d'accord là-dessus, je trouve que c'est une valeur qui est pas mal et qu'effectivement, alors elle est reposée parce que normalement on est censé le redemander à chaque AG. Si elle n'est pas remise, par défaut, on prend ce qui était l'année d'avant, mais c'est quelque chose qui est bien de penser à renouveler un peu, à reconfirmer un peu tous les ans ce seuil de consultation. Voilà, 500 euros, on est dans ce niveau de type de résolution, effectivement. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce montant du coup qui est proposé? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Non. Non, pas de contre. Ok. C'est adopté. Alors, la résolution numéro 8, c'est le fait de à partir de quel montant, par contre, là, c'est pour donner un peu plus d'autonomie au syndic et au conseil syndical, de dire à partir de quel montant, éventuellement, le syndic peut engager des travaux sans forcément consulter l'Assemblée générale. Donc, vous voyez, c'est de se dire, éventuellement, il peut y avoir des travaux peut-être un peu plus lourds, où on se dit, peut-être que tout ce qui est inférieur à 2 ou 3 000 euros, on n'est peut-être pas obligé de passer par, d'obliger de faire une Assemblée générale pour que le syndic puisse engager des travaux qui peuvent être, par exemple, des travaux de restauration ou de remise en état, parce qu'il y a une canalisation qui est cassée. Cette résolution, elle est dans ce but-là. Est-ce qu'il y avait quelque chose de voté déjà à ce moment-là, en 2021, avec un seuil là-dessus? Pour la résolution 8 et 9, là, les deux résolutions, ça a été déjà voté, pour la mise en concurrence aussi. Donc, c'était à 500 euros. 500 euros pour les deux? Oui. Donc, y compris pour les autorisations en AG? Oui. D'accord. Alors, donc là, on repartirait sur 500 euros aussi. En dessous de 500 euros, pas d'AG. Dès qu'il y a des dépenses au-delà de 500 euros, obligation de faire une AG. C'est ça le débat. Obligation de faire une AG ? Pourquoi obligation de faire une AG ? Là, en fait, moi je trouve. Là, ça veut dire qu'à la moindre intervention, il faut faire une AG, ça va vous coûter plus que les 500 euros. Honnêtement, moi, je vais vous dire, moi, j'ai une copro, moi, ma copro, on a 120 lots et on a un seuil à 4000 euros. C'est-à-dire qu'à 4000 euros, le syndic coopératif peut engager des travaux sans forcément faire d'AG et puis au-delà, bah, on consulte. Au-delà, on fait une AG. Donc, ça nous donne quand même une certaine autonomie pour faire les travaux, les petits travaux de réparation. Moi, je trouve qu'à partir de 4-5 000 euros, c'est des gros ça commence à être des investissements importants qui nécessitent une décision en AG. Mais en dessous, c'est bien de donner une certaine autonomie, ce qui n'empêche pas que le syndic, de toute façon, il travaille aussi avec le conseiller syndical là-dessus. Hein. Et ça n'empêche pas, là encore, d'en parler. 500, c'est bien, ça avait été voté comme ça, la résolution en AG du 23 juin. Je pense que c'est raisonnable de rester sur ces tarifs-là pour être consulté. Donc, si j'entends bien, Patricia, c'est combien ? 500. Vous restez à 500 euros ? Oui. C'est-à-dire que dès qu'il y a 500 euros à mettre à payer un fournisseur, pour signer un contrat ou une prestation, vous passez par une assemblée générale. Non, mais là, ce sont des travaux qui auraient été définis en AG avant. Non, ce que je suis en train de vous dire. C'est pas pour une réparation. À chaque AG, si on passe sur un syndic pro, il va falloir payer 400 ou 300 euros. Donc, c'est plus que le montant indiqué. Là. Le montant pour les marchés et contrats, c'est de donner une certaine autonomie à votre syndic. Non, non. Là, à partir de la résolution qu'on a votée, c'est la 7. On a bien voté une résolution à 500 euros. Oui. Pour que le syndic consulte le conseil syndical. Plafonné à 500 euros. Donc, ouais. s'il y a un contrat ou des travaux, enfin, quel que soit, le syndic va consulter le conseil syndical et c'est le conseil syndical qui en décidera. On est bien d'accord, ce n'est pas l'Assemblée générale. Non, c'est le... Exactement. En fait, c'est de se dire. D'accord, le conseil syndical peut dire OK. Par exemple, là, c'est 1 000 euros. Par contre, si on arrive à 3 000 euros, nous, on a dit que c'est 2 000 euros le seuil, ben là, le conseil syndical, il ne peut pas donner la part. Exactement. C'est exactement ça. Enfin, là, il n'y en a pas de conseil syndical. Hein. Je pense que là, on est en train de débattre pour savoir. On se rend compte que 500 euros, ça va soit bloquer, soit. Ouais, 500 euros, c'est bloquant en fait, Patricia. C'est trop petit, c'est trop exactement, trop faible. Exactement. En fait, le but, en fait, ces règles-là. 500, c'est pas mal, 1500. Ouais. En fait, effectivement, ces règles-là, c'est pouvoir se dire pour pas que le syndic soit forcément obligé. On ne va pas déclencher une AG à chaque fois qu'on va dépenser 501 euros. Exactement. Et en fait, c'est bien ce que M. Warwa a dit. Oui. C'est que le but, c'est qu'effectivement, à un moment donné, s'il y a un montant qui devient important, le syndic va devoir consulter le conseil syndical. Et le conseil syndical va pouvoir prendre des décisions en tant qu'élu pour aider le syndic à faire les choix là-dedans. Et qu'au-delà d'un certain seuil, et c'est le seuil dont on est en train de parler là, à un moment donné, le conseil syndical, on va aussi le brider pour dire à un moment, ce n'est plus vous seul qui devez décider, c'est bien l'AG. Et donc c'est bien d'être un peu au-delà quand même. Hein. 1500 ou 2000, c'est quand même pas mal. Je donne juste mon avis, je pense que dans ce. Il y a beaucoup de problèmes. Vous n'avez pas eu cette année. Lève la main, Majda, je pense que c'est mieux. Oui, c'est mieux. Allô, est-ce que, oui. Est-ce qu'en termes de discussion, on arrive à se mettre d'accord sur un montant? Patricia, Patricia, s'il te plaît. Patricia, Patricia. Oui. Est-ce que vous êtes mis d'accord sur un montant? Parce qu'on, nous, ça, c'est... Pas encore. Il faut qu'on statue là. Attendez. C'est pour ça. Je dis, voilà, je vous dis la valeur que ça donne, mais bien sûr, il y a toujours l'aspect. Parce que provoquer des AG tout le temps, c'est maintenant. Voilà. Ouais, en fait, il faut. Voilà, le but, c'est bien ça. Potentiellement sur cette année, voilà, des choses qui sont à accepter pour travailler. Alors, est-ce qu'il ne faut pas le vote du syndic maintenant et qu'on passe après là-dessus? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On passe après. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes mis d'accord sur un? Oui, s'il vous plaît. Alors, on va sur quelle grandeur alors? Là, il Patricia, c'est plus statut quand même. On est d'accord tous ici en présentiel pour dire qu'il vaudrait mieux changer l'ordre, enfin un point, voter pour le mode de syndic. Et après, ça nous permettra de faire notre avis sur le montant à lui accorder ou pas. D'accord. Selon le mode de syndic que l'on aura. Okay. Parce que ça, c'est important. OK, ben, ça marche, si vous voulez. C'est le président de séance qui choisit ça. Donc, c'est-à-dire que... Ouais, c'est OK, ouais. D'accord. OK. Donc, moi, en tout cas, je vous dis concrètement, il ne faut pas avoir un montant qui soit bloquant pour pas générer des frais à chaque fois pour que la moindre décision, ça passe en AG, parce que du coup, vous n'avancerez jamais et il n'y aura aucune dépense qui pourra être faite. D'accord ? Oui, je crois que c'est clair. Concrètement, j'ai cru entendre M. Waro parler d'autour de 1500 euros. Moi, je trouve que 1500 à 2000 euros, vu la taille de votre copro, c'est quelque chose de plutôt raisonnable. Bien reçu l'avis, merci. Et on est un peu dans ces eaux-là, donc on validera ça juste après. Hein. Sachant que si on reste chez Matera, le vote existe. Donc, on peut toujours mettre en place un vote oui ou non, même si le budget est plus important. Ça va plus vite que de faire une AG et au moins, tout le monde donne son avis. C'est possible de faire des sondages, effectivement. OK. Bon, donc, vous voulez passer à quelle résolution, du coup? Okay. Donc, la 9. le syndic. Ouais. Pour qui allons-nous voter? Pour quel mode de syndic allons-nous voter? Ils veulent voter le syndic, Benoît. Ouais, ça me semble cohérent. C'est déjà une décision très importante. Hein. Il y a des personnes qui peut-être vont pouvoir partir parce qu'on part un peu. Et je pense que tout le reste, après, on peut quand même le voter derrière, que ce soit les travaux ou d'autres résolutions. Donc, on souhaiterait passer, enfin, je crois, hein, à la 18.1, c'est ça? Ok. Alors, hop. Ça marche. Donc, la 18.1, c'était de se poser la question, est-ce qu'on renouvelle le mode de syndicat de copropriété sous forme coopérative? Donc, alors, globalement, après, vous allez voir comment vous le faites, mais globalement, effectivement, ce soir, ce qui se pose comme question, c'est vous avez quatre alternatives possibles dans la gestion de votre syndic qui s'est posée. Soit de rester en gestion coopérative, soit de repasser sur du mode de syndic pro avec deux propositions de deux syndics professionnels, soit une quatrième possibilité qui est d'être avec un syndic bénévole. À un moment, j'ai cru entendre de dire qu'on ne pouvait pas changer de mode de syndic, on peut changer en AG, on peut changer de mode de gestion et passer d'un mode de syndic pro à un mode de syndic coopératif ou à un mode de syndic bénévole. Il n'y a aucun problème, mais ça se vote en AG et c'est l'objet de ce soir. Donc, par contre, effectivement, la question de la forme coopérative, elle a une incidence parce que pour être en forme coopérative, bah, il faut un conseil syndical impérativement. Autant sur les deux autres formes, syndic bénévole et syndic professionnel, si vous décidez de ne pas avoir de conseil syndical, ce serait une erreur, mais ce serait possible. Là, un syndic coopératif, bah, ça se fait à au moins deux personnes. D'accord ? Donc, le sujet, il est bien effectivement vis-à-vis des débats de se dire est-ce que vous souhaitez maintenir ou pas la forme coopérative et ou est-ce que vous voulez aller sur plutôt un syndic pro ou un syndic bénévole ? Et s'il y a un syndic pro, si ça s'en va vers ça, c'est de se dire vers quoi ? Est-ce que c'est plutôt Immo de France qui est venu ou est-ce que c'est plutôt Orpi ? Voilà, globalement, en fait, ce que je veux c'est qu'on est obligé légalement de faire quatre résolutions distinctes pour que le vote soit très clair là-dessus, sans mode de gestion. Mais en termes de débat, ce que je veux vous dire, c'est que c'est effectivement les 18.1, 19.2, 20 et 21, globalement, c'est des résolutions qui marchent un peu ensemble dans le débat et qui permettront ensuite, suite à ce débat-là, que ce soit très clair de dire vers quoi on va. D'accord ? D'accord. Donc, concrètement, oui, c'est clair que c'est un débat à avoir sur les cinq résolutions. Voilà, exactement. D'accord. Sur les quatre. Hein. Et que, effectivement, s'il y a une tendance qui se dessine plus vers un syndic pro ou plus vers un syndic bénévole ou plus vers un syndic coopératif, eh ben en fait, ça éliminera les autres, sachant qu'effectivement, le mode de syndic coopératif, c'est ce que je vous disais, c'est que la particularité, c'est que ça se cumule pas. On est soit en coopératif, soit on ne l'est pas. Et si on n'est pas en coopératif, on est soit en bénévole, soit en pro. D'accord ? Est-ce qu'on peut procéder au vote ? Parce qu'il y a des personnes qui très bien. Ça s'est déjà arrivé un peu et là, j'aimerais bien pouvoir voter au moins. Ça marche. Donc, tout à l'heure, il y a Immo de France qui est passé. Vous voulez qu'on vote d'abord par Immo ? On n'a pas les gens, on n'a pas les gens pour coopératif. Et il y a le bénévole. Et bénévole. Bah, alors, moi, je crois que le problème de coopératif, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens. Qui vote pour un syndic coopératif qui veulent faire le conseil syndical, en fait. Déjà, qui vote pour un syndic coopératif. Enfin, à part si. S'il y a des personnes qui. Voilà, je pense que. Je ne crois pas. Est-ce que quelqu'un vote pour un syndic coopératif? Et non, il faut avoir le conseil syndical et être obligatoire. Oui, en fait, ouais. On va formuler la question. Renouvellement par le syndicat. La résolution 18.1, c'est renouvellement par le syndicat de la forme coopérative pour, contre ou abstention. Voilà. Ça, c'est la question. Exactement. Sachant que votre organisation, le pour, contre ou abstention, elle va se faire en fonction aussi du conseil syndical. Si vous n'avez pas de conseil syndical, vous ne pouvez pas être syndic coopératif. Est-ce que quelqu'un qui est pour ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont pour ? Globalement, non. Alors, donc, globalement, dans la salle, c'est plutôt du contre ? C'est du contre. Je m'abstiens, moi. Comment ? Laurite. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'abstiennent ? Oh, oui. Non ? Si. Madame Gazal ? Non, Madame Segou. Madame Sécule, et donc votre vote, c'est quoi? C'est de vous abstenir? Contre. Abstention, oui. Et Madame Gazal, contre. Madame Gazal, vous êtes contre. Ok, très bien. Donc, la formule aujourd'hui du syndic coopératif, elle n'est pas adoptée. Donc, ça veut dire que maintenant, bah, du coup, celle-là est sans objet. Hop. Et du coup, maintenant, bah, ça demande de se poser la question de savoir est-ce qu'on maintient, entre les trois, est-ce que vous passez sur un syndic bénévole, un syndic pro IMO de France ou un syndic pro hors PU? Est-ce que globalement, il y a une tendance? Est-ce que, Benoît, oui. Est-ce que je peux lire un message d'une propriétaire? Ok, bah, oui, ok. On va demander à Quentin, président. Allô? Oui. Ouais. Oui, on t'écoute, Alem. Merci. Non, mais parce qu'il y a des gens qui doivent partir. Il y a des gens qui doivent. Bah, j'ai pas pris plus de temps que. Mais rassurez-vous, ça va aller vite. Alors, donc, je vais vous lire le message d'une des propriétaires non occupantes. Excusez-moi. La connexion qui rame un peu. Alors, ça y est, j'y suis. Alors, donc, bonjour à tous. Propriétaire non occupante, je ne pourrai participer à la réunion de ce soir, mais j'ai pu voter par correspondance. Je souhaite juste faire part de mon expérience, car propriétaire de plusieurs appartements sur Lyon et tous gérés par des syndics professionnels différents. Le résultat est clair et sans équivoque. Tous les syndics pros sont mauvais, et surtout inadaptés à la gestion de copropriétés qui ont des soucis particuliers. La nôtre n'a que des soucis particuliers. Il est clair qu'ils ne vont pas se battre pour nous, qu'ils vont gérer comme de partout, avec lenteur et dégager en touche, au moindre, et botter en touche au moindre souci. Les états de charge ne tombent jamais juste, et le souci, c'est qu'il n'y a pas d'oreille pour entendre ou comprendre les modifications demandées. Ils ne se sentent pas concernés par les problèmes et au contraire, ça les ennuie. Ils préfèrent mettre sous le tapis. Avec Matera, je pense que les personnes motivées pour prendre les intérêts de la copropriété et surtout faire aboutir au mieux notre investissement immobilier peuvent beaucoup et surtout mieux faire qu'un syndic pro. À chacun de voir et bien sûr prendre ses responsabilités. Mais en résumé, je voulais dire, n'attendez pas la lune d'un syndicat pro et encore moins le soleil. Bonne assemblée, Valérie Pascal, SARL Studart. Merci. Pour ou contre IMO de France, c'est ça? Ouais. Alors, globalement, qui est pour? Mais on n'a pas eu de proposition, on n'a pas eu de... Exactement, je vous rejoins. C'est compliqué de voter pour ou contre IMO de France, sachant qu'on a, pour l'instant, c'est juste une première discussion. Moi, ça me paraît prématuré. On ne parle pas d'IMO de France, on parle pour un syndic bénévole. Ah d'accord, je pensais IMO de France, excusez-moi. Et IMO de France, on a eu dans la convocation... La proposition. Oui, enfin, je rejoins la remarque de Mathilde. Pour décider ou non de la révocation de Foncia, on a fait au moins 6 ou 7 réunions avec Matera. On a appelé des copropriétés gérées par Matera. Aujourd'hui, moi, ça me semble compliqué. Oui, mais là, on était à année zéro. Là, on a un recul d'un an. On a vu ce qui s'est passé pour un syndic pro Foncia. On l'a révoqué. on a voté pour un syndic coopératif. On en est là où on en est actuellement. Les gens ont eu pendant 25 jours le choix pour lire ou pas ce qui avait été dit, ce qui avait été montré par des professionnels et par des amateurs. Donc maintenant, les gens ont toutes les cartes en main. Et les gens avaient loisir de contre-proposer quelque chose. Chose que, qui n'a pas été faite. Ben, maintenant, on ne peut pas toujours retarder et dire qu'on a ah ben, alors depuis tout à l'heure, vous êtes bien sympa. On a tous les éléments. Oui, mais vous êtes bien gentil. Moi, depuis tout à l'heure, j'assiste à tout. Je ne vois pas en quoi je retarde plus que les autres. Aujourd'hui, il y a une remarque. Aujourd'hui, il y a une remarque. 25 jours pour lire tout ce qu'il y avait à lire. Aujourd'hui, il y a une remarque qui est faite. Vous pouvez simplement en prendre note et puis voilà. On prend note des remarques. Nous sommes en démocratie. Ah ben, tout à fait. Ben, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, mais bon, si vous voulez. Excusez-moi, là c'est moi. Excusez-moi, je suis responsable dans le sens où c'est vrai que c'est Florian qui a lu la convocation. Moi, je n'en ai pas pris, je ne l'ai pas lu. Donc, pour le coup, là, c'est moi qui suis responsable. Ça, c'est chacun son problème. Oui, mais. Non, mais effectivement, ce soir, il y a des votes qui sont soumis, enfin, il y a des résolutions qui sont soumises au vote et que vous devez vous positionner sur ces différentes résolutions pour pouvoir avancer, en fait. Et. Aujourd'hui, effectivement, c'est soit vous voterez pour IMO de France, soit vous voterez contre IMO de France, ou hors prix, ou alors. Donc là, on est pas sur du bénévole, parce qu'on peut faire le vote sur cet aspect bénévole. Où nous n'avons, nous aussi, pas de contenu. On a juste une proposition pour quelqu'un qui se présente, mais il n'y a pas de projet. Vu la campagne de dénigrement que j'ai subie sur la plateforme, je ne vois pas en quoi je peux défendre quoi que ce soit quand les personnes sont radicalement contre. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est continuer à défendre la copropriété comme je l'ai fait, très bien fait, et j'espère que ça sera dans des bonnes conditions. On ne peut rien faire si l'état d'esprit des autres n'est pas positif. Moi, je me suis fait flinguer à chaque AG. J'avais l'impression de venir pour décider si oui ou non on allait me prendre. Je dois intervenir, c'est parce que ici dans la salle, désolée, madame, au vote. Oui, donc mais madame Côté, madame Côté a fait son bilan. Madame Côté a fait son bilan. Devoir passer au vote. Je le fais aussi, alors souffrez que je finisse ma phrase, elle ne va pas être longue. Donc, je disais simplement que l'offre que je fais, elle est la continuité et surtout le fait d'être sûr qu'une personne qui vit avec vous et qui paiera les mêmes pots cassés que vous se battra certainement plus qu'un syndic qui vient nous dire que c'est le plus beau et c'est le plus gentil. Il suffit de se renseigner sur IMO de France pour voir qu'ils font partie du top flop des plus mauvais syndics. Ouais. Merci. Voilà. On va passer au vote là, du coup, maintenant pour la résolution 19.1. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont pour la désignation de Madame Alem Charny Benjajma en tant que syndic bénévole? Non, donc globalement, c'est plutôt des contre dans la salle, c'est ça? Il y a une abstention. Laurie s'abstient. Ok, ça marche. Ensuite, on a le pouvoir, il me semble. Donc. Monsieur Kakoui, il est représenté par Alem. Oui. Donc Alem, qu'est-ce que Monsieur Kakoui vote? Monsieur Kakoui vote pour. D'accord. Je crois que tu avais aussi le pouvoir de Monsieur Sitidej. Sitidej Tavitsak. Monsieur Sitidej Tavitsak vote pour. Monsieur Pélisson aussi. C'est toi Monsieur Pélisson vote pour. D'accord. Monsieur Shenga, c'est moi qui ai son pouvoir. Monsieur Schengen m'a exprimé qu'il votait plutôt pour, et Monsieur Chebou également. Hop. Du coup, on n'a pas entendu. Monsieur Schengen et Monsieur Chebou m'ont donné leur pouvoir pour les représenter et voter pour le mode bénévole. Ce qui se passe, c'est que. Attendez, elle a combien de pouvoirs, madame Demilia? Non, c'est par l'autre. C'est par l'autre. Deux doigts. Ouais. Deux doigts. Donc là, en première lecture, le vote, il est. En fait, il ne passe pas en première lecture, mais par contre, il y a au moins 33% des votes qui sont recueillis. Et donc, ça permet de faire une deuxième lecture du vote. On n'a pas compris. Voilà, je reprends. C'est que, en fait, vous êtes sur les décisions comme ça. Y a, la majorité se fait à majorité absolue et qu'aujourd'hui, il n'y a pas la majorité absolue. L'article 25, c'est la majorité absolue. C'est-à-dire que, pour le coup, là, c'est présent plus absent. Okay, même ceux qui n'ont pas voté, il y a 10 000 antiquettes dans l'immeuble. Enfin, dans la copro, pardon. Donc, pour avoir la majorité absolue, comme il faut, article 25, pour l'élection d'un syndic. Mais Benoît, tout le monde n'a pas voté. Hein. Non, attends, laisse expliquer. Et donc, c'est 5 000 antiennes. En l'occurrence, par contre, si c'est pas atteint, c'est le cas. Si ça atteint le tiers, 33%, c'est le cas. Là, par contre, ensuite, on passe sur un vote qualifié, c'est-à-dire à la majorité simple. C'est-à-dire là, pour le coup, on passe sur le vote à la fois sur, non pas la globalité de la COPRO, d'accord, pas les 10 000 antiennes, c'est tous les gens qui ont voté. C'est-à-dire, en l'occurrence, toutes les personnes qui sont ici et ceux qui ont voté. Exactement. Ok, du coup, bah, exactement. Il y a un deuxième vote. Et donc, du coup, je dois vous poser la question. Effectivement, deuxième lecture, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Oui. Non, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Laurie. Maman. Allô? Oui, Laurie s'abstient. Madame Ségu aussi. Madame Ségu s'abstient. Et madame. Je suis désolée, j'ai poussé. Madame Ségu, c'est ça? Ségu. Ok. Monsieur Coupi, madame Alem, qu'est-ce que monsieur Coupi confirme son vote? Oui. Par ton pouvoir, en fait, monsieur Citigège aussi. Oui. Ok, monsieur Pelisson. Oui. Monsieur Changa aussi et monsieur Chélu aussi. Du coup, on a 4000. Voilà, la résolution est adoptée à 4200. 4000, combien? Donc, la résolution du syndic bénévole, elle est adoptée en deuxième lecture. Hop, à 4500. 22 tantièmes. Du coup, la résolution numéro 19.2, elle se posera, du coup, effectivement, de souscrire à l'offre Matera, de renouveler l'abonnement à Matera. Excusez-moi. Oui, madame Chagall. Majda, tu n'as pas voté, toi? Bah non, je n'ai pas voté, puis je j'ai pas entendu. Après, on avait contre, ça s'affichait 15, du coup, et ça s'est transformé en 9, pourquoi? Parce que j'ai indiqué les pouvoirs que Alem a eu et Lina. Et vous avez voté quoi, excusez-moi, parce que vous aviez pas dit que vous étiez abstenu, donc contre, vous êtes contre. Contre. Exactement. Mais c'est Gaza, pas, ouais, voilà, je tiens à préciser que c'est pas contre Alam, c'est plus mon avis personnel vis-à-vis de l'intérêt de la copropriété. Il n'y a pas de souci, Majda. Okay. Après, vous en assumerez la suite. Oui, je suis consciente. En tout cas, là, j'ai changé parce que justement, par défaut, tout le monde allait voter contre, sauf qu'il y a des pouvoirs qui ont été donnés. D'accord. Et que les pouvoirs, je vote, j'inscris ce que les gens ont indiqué au niveau des pouvoirs, M. Koukoui, M. Citidej, M. Pélisson, M. Chenga et M. Chebli ont donné un pouvoir pour voter pour. Et de ce fait, il y a 4522 tantièmes qui ont voté pour cette résolution, donc la résolution, elle est adoptée. Est-ce que c'est plus clair, Mme Gazal? Oui, d'accord. Je vous remercie. Donc, il y a combien de tantièmes en contre, s'il vous plaît? J'y retourne. Bah, en fait, la différence, quoi. C'est pas la différence. Non, ça peut pas. Ouais, parce qu'on ne sait pas combien il y a de tantièmes présents. Si, tu en as 8000, Patricia, il y a 8285 tantièmes de représentés aujourd'hui sur les 10 000. D'accord. D'accord. Et, donc, et en fait, le vote, il repose sur les 8285 tantièmes, ouais, et non pas sur les 10 000. Et non, parce que comme l'a dit monsieur, je crois que c'est monsieur Waro qui a expliqué les choses, de dire que quand il y a des majorités, les décisions à la majorité 25, si, en fait, c'est une majorité absolue à 5000 et 1 tantième. Mais s'il y a eu au moins 33% de gens qui ont voté pour, il y a une deuxième lecture, c'est ce qu'on vient de faire. Et à ce moment-là, c'est la somme des présents et pas seulement de l'ensemble des copropriétaires qui est pris en compte. Donc, l'ensemble des présents est représenté. Et de ce fait, ça devient une majorité de l'article 24, finalement, qui est l'ensemble des présents est représenté. D'accord ? Donc, voilà pourquoi on arrive à ça. Est-ce que c'est clair ? OK. Donc derrière, c'est... Derrière, alors, Monsieur Waro, vous voulez qu'on vote pour la résolution 20 ou la 19-2 là? Oui, je mets combien? On vote comme ça, ça reste dans les Monsieur Waro. Monsieur Waro. Alors, je m'en vais. Bonne soirée, bonne âgée. Patricia, du coup, oui. Émilie s'en va, donc c'est toi qui la représente. Voilà. On est d'accord. Okay. Alors, pour la désignation de l'IMO de France en tant que syndic professionnel, il va aussi falloir se positionner. Est-ce que Oui. J'ai une petite question pour Matera. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que là, comme vous n'avez pas mis le... On est en train de voter pour un syndic bénévole et une offre Matera qu'on n'a pas eue dans les papiers. Donc, du coup, moi, je voudrais m'assurer aujourd'hui qu'on va rester sur le même système à 4 800 euros et qu'on ne va pas découvrir une toute nouvelle offre avec une augmentation parce que... Ça ne serait pas très équitable et honnête. C'est une blague. Une offre Matera alors qu'on n'a pas le contrat. Orpi a donné ses honoraires en toute transparence. Et vous, on les a. Eh ben, moi, je l'ai. En fait, moi, je l'ai vu. Votre contrat. C'est pas démocratique. Comment ça se fait que vous les ayez Calmez-vous, les complotistes. Moi, je l'ai reçu en recommandé, hein, comme vous tous. Hein, je pense que vous l'avez tellement vite écarté que vous ne l'avez pas lu, c'est tout. Non. Écoutez, non. La présidente du conseil syndical ne l'a pas vu. Même moi, je ne l'ai pas eu. Donc. Madame Albéro, en tout cas, pour répondre à votre question, oui, le contrat, il se continuerait et il se continue dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que vous aviez un abonnement à 4 850 euros et on restera sur les mêmes conditions à 4 850 euros. Et moi, j'ai une question à poser par rapport... est-ce que Matera ou quelqu'un de Matera a téléphoné à des copropriétaires? Occupant ou pas occupant. Oui, tout à fait. Moi j'ai appelé. Oui, mais je complète puisque quelque part je travaille avec Matera. Oui. Sinon moi aussi je peux crier. Non mais c'est très bien que ça soit enregistré comme ça tous les propriétaires pourront effectivement vivre en temps réel ce que j'ai vécu pendant 6 mois avec vous. C'est très bien, continuez. La question était pour Matera. La question c'était si on a reçu un appel de Matera. Oui, parce que dans le contrat Matera c'est bien écrit qu'ils n'ont pas le droit de téléphoner. Alors personnellement je n'ai pas reçu d'appel. Un démarchage commercial. Non, nous n'avons pas reçu d'appel de notre côté. Merci, Matera. Pour obtenir un appel. Moi, j'ai reçu l'appel. Oui, vous avez reçu un appel. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui doit? Mais la personne veut savoir si je reste. Alors, c'est commercial. C'est seulement pour laisser un petit truc comme ça. Ce n'était pas de plus. C'est seulement pour savoir parce que vous n'aviez pas les nuances. Nuance, quand on fait un sondage, on ne vend rien. En général, les sondages, c'est fait à but commercial. Bah non, non, non, c'est pas à but commercial. Ça sert à rien de se c'est fait pour connaître une tendance. Mais il me semble que Monsieur Inacio. Il me semble que Monsieur Inacio a fait pareil, donc je ne vois pas de quoi vous vous plaignez. Comment, Monsieur Inacio, quoi? Monsieur Inacio a fait pareil. Il a fait quoi, Monsieur Inacio? Bah, Monsieur Inacio a appelé également de son côté. Maintenant, rien ne m'empêche. Mais Monsieur Inacio, il fait ce qu'il veut, il est pas. Moi aussi, je fais ce que je veux. Je suis pas commerçante non plus. Mais, écoutez, c'est marrant comment vous vous autorisez des choses que vous n'acceptez pas des autres. Un appel, mais bon, il est resté sans réponse. Donc, bah voilà, désolé, moi j'ai passé des appels et tout le monde m'a répondu. Mais c'est bon, on continue. On doit souscrire pour une offre, donc on n'a pas vu, si je résume. Hein. Donc oui. On est d'accord ? Ouais. 9.2, c'est ça. Hein. Oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. La souscription. Est-ce que vous pouvez également, si vous pouvez confirmer que le renouvellement est pour une durée de 1 an? 1 an et 4 800. Le renouvellement. J'ai pas entendu. Le renouvellement de l'offre Matera est bien de 1 an, sauf plus s'il y a tacite reconduction. Oui, c'est 4 850 € pour 1 an. Exactement. En fait, c'est la même chose. Avec dénonciation. Vous continuez d'avoir le même service. 3 mois avant. Exactement. Vous continuez d'avoir le même service. Et sans frais supplémentaires. Oui, mais il y aura besoin d'un comptable. Oui, mais ça sera toujours ça de moins qu'un syndic pro. Comment ? J'ai pas entendu. Ça sera toujours ça de moins qu'avec toutes les lignes qu'on va rajouter avec un syndic pro. Il n'y a pas de souci, effectivement, pour que un syndic peut se faire assister, se faire aider de qui il souhaite. Et qu'effectivement, il peut y avoir, pourquoi pas, de faire appel à un comptable si vous souhaitez qu'il y ait un comptable qui vérifie les comptes. Il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, au vu de l'expérience qu'on a rencontrée cette année, ça serait quand même indispensable d'avoir quelqu'un qui contrôle les comptes. OK. Oui, et puis quelqu'un qui fasse de la sophrologie aux gens à prospectivité aussi, ça serait pas mal. Mais j'espère qu'il y a des personnes qui vont vers un conseil syndical avec Madame Benjema. Vous allez le faire alors, en quel honneur est-ce que vous voulez que je fasse un conseil syndical quand je vous ai interrogé à nombreuses... Vous, Madame Benjema, Est-ce que je peux finir ma phrase? En quel honneur vous me demandez si je vais constituer un conseil syndical alors que toutes mes demandes sont restées sans réponse sur la plateforme? Encore une fois, vous exigez des autres ce que vous n'êtes pas capable d'appliquer à vous-même. Patricia, s'il te plaît. S'il vous plaît. Il faudrait arrêter les invectives là qu'on puisse continuer. Ouais. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas travaillé avec votre madame. Ça a été voté de toute façon, on ne peut plus revenir dessus pour l'instant. Est-ce que ça sert à quelque chose de voter 20 et 21? Oui. Oui, il faut voter, Monsieur Waro. On revient à la proposition numéro 8. pour le minimum. Pour le minimum €500. Moi, je propose 1500, sachant que de toute manière, je m'engage à ce que chaque devis soit au préalable voté sur la plateforme. Vous êtes engagé de nombreuses fois. Madame Albéro, vous avez voté contre. Aujourd'hui, mon engagement se fait pour les personnes qui ont voté pour ou celles qui ne sont pas hostiles mais restent ouvertes malgré le fait qu'elles Non. Donc, j'ai envie de vous dire numéro voilà, 8, c'est votre avis, quoi. Ici, les personnes présentes, voilà, votent €500. OK. Donc, ça veut dire qu'à 500 euros, tout ce qui est montant des marchés et contrats, oui. Ça devra passer par une assemblée générale et donc engager des frais de convocation. Okay. Est-ce que... Ça fera 4800 plus 400 chaque fois. Voilà. Okay. Sachant que... Je ne vais pas pouvoir continuer à participer à la réunion. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Je note son départ. Si je peux me permettre, ça montre quand même votre parti pris, hein, parce que vous êtes prêt à lâcher, vous êtes prêt à lâcher les brides pour un étranger. Par contre, pour quelqu'un qui habite avec vous. On va devoir avancer dès maintenant, parce que sinon, là, je ne vais pas pouvoir se finir. Est-ce que cette résolution, on peut avancer ou pas? Il va falloir l'accepter le résultat aussi après. Oui, mais vous inquiétez pas, on accepte. On est en démocratie. J'ai pas l'impression. Allez. Évitons les débats stériles. Avançons. Monsieur Marie, okay. On peut passer à la 9 ou pas du coup? Donc, attendez, donc la numéro 8, vous avez fixé un seuil à 500 euros, donc j'ai écrit. D'accord? Oui. Ok. 500 euros. Alors, qui est pour? Tout le monde est pour. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Je vote aussi avec les pouvoirs d'Émilie, aider. Oui, oui. Patricia, on va dire que j'imagine bien que Émilie et toi, vous êtes solidaires sur vos décisions, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent sur ce vote? Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Moi, je vote contre. Madame Gazal? Je vote contre également. Les pouvoirs aussi, j'imagine. Oui. Et M. Changa aussi. Monsieur Changa et Monsieur Chézi. Ok. Donc, il y a. C'est refusé en première lecture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui. La transition recueille entre 33 et 50% des voix, donc elle doit être passée en deuxième lecture. Hop. Donc, toujours sur 500 euros. Ils se sont exprimés sur les montants, les votes par correspondance. À partir du moment qu'ils ont voté, effectivement, qu'ils n'ont pas précisé s'il y avait un montant ou une donnée, ils sont pour, hein, s'ils ont voté pour. Ils n'ont pas précisé jusqu'à un certain moment. Alors, c'est 10 000, mais non, alors, 10 millions, c'est 10 millions. Alors, ils sont pour, on a proposé. Non, c'est pour ça. Là, il y a quelque chose, qui ne va pas, monsieur Mangui. Non, mais là, on ne peut pas. Non, les votes qui étaient proposés, les votes qui étaient proposés en ligne étaient des votes pour, contre ou abstention. Alors attention à ce que vous faites, parce que si vous dites que les gens ont mis des montants à 500 euros ou voire plus, c'est attention. Non, c'est ce que je veux. Alors, si vous voulez qu'on voit les votes par correspondance. Il n'y avait pas de montant. Il n'y avait pas de montant. Monsieur Bénard, c'est abstenu. Quand vous dites pour, c'est pourquoi? En fait, c'est pour ils sont pour. En fait, alors, madame. Ils sont pour sans savoir quel montant. Voilà. Bah, en fait, vous avez donc, proposé d'être à 500. Donc, ils sont pour sans savoir quel montant. Bah, parce qu'il y a des gens qui ne contestent pas tout et qui font confiance en les Madame, personnes qui me représentent. Est-ce qu'on pourrait éviter de se parler, s'il vous plaît? Non, mais je parle quand je veux. Parce qu'il est beaucoup plus clair. Je parle quand je veux. Ah ben, c'est pas ce que vous disiez, mais allez-y. Vas-y, Benoît, je te laisse. OK. Donc, les gens, ils ont voté, ils se sont exprimés en vote par correspondance. Ils peuvent commenter, ils peuvent mettre des commentaires quand ils votent pour dire est-ce qu'ils mettent des restrictions à leur vote. Et que par défaut, par rapport à la résolution qui a été proposée dans la convocation, ils peuvent très bien écrire « Moi, je suis pour jusqu'à un certain seuil ou pas ». Globalement, ça veut dire que quand ils n'ont pas précisé de choses, c'est-à-dire qu'ils acceptent globalement l'ensemble du texte de la résolution qui a été mis à la convocation. D'accord ? Globalement, dans la salle, vous avez tous été pour fixer ce seuil à 500 euros. D'accord ? Et que là, aujourd'hui, ça veut dire que globalement, dans la salle, vous êtes tous à dire globalement, on veut ce seuil-là. Et que vous n'avez pas la majorité absolue, mais il y a une deuxième lecture qui va faire qu'en fonction de ça, c'est ce seuil-là qui sera rejeté ou non. Donc là, vous voulez dire qu'avec les gens qui ont voté pour... Pardon, excusez-moi. Vous voulez dire qu'avec les votants dans la salle, plus les votants par correspondance, qui ont a priori voté pour, ce n'est pas la majorité absolue, c'est ça? Il n'y a pas une majorité absolue, mais... C'est qu'il n'y a pas une majorité absolue, mais il peut y en avoir une. Laurie, vous n'avez pas voté, vous n'êtes pas abstenu. Non, je ne suis pas abstenu. D'accord, sur les autres votes, vous êtes abstenu. On est d'accord. Donc, c'est passé à 33%, c'est passé avec l'abstention. Là, vous étiez d'accord sur les 500 euros. Donc, il y a quelque chose qui ne tombe pas. Non, on n'a pas fait le second tour. Non, Laurie Nemassa, elle a voté pour. C'est des histoires de majorité. Excusez-moi, mais c'est des histoires de majorité. Ce genre de décision se prend. Mais non, parce que je comprends pas. Excusez-moi, du coup, est-ce qu'on peut juste comprendre qui a voté contre les 500 et ce que ça représente en tantième? Parce que si... Il y a 8 personnes qui ont voté contre, mais globalement, justement, c'est ça qu'il faut bien se dire. Globalement, c'est quand même une résolution qui va être majoritairement approuvée. Donc ça veut dire que monsieur Poupouille, là, si on prend un exemple, il a voté dans son vote par correspondance. Lui, il s'est opposé à tout. Lui, il a voté contre tout. Il s'est opposé absolument tout ce qu'elle a décidé. Exactement. D'accord. Exactement. Là, il a dit, je vote contre quel que soit le montant que vous indiquez, je voterai contre. D'accord ? Voilà. Et c'est dans les commentaires. Ben, c'est pas dans les commentaires. Ils auraient pu mettre un commentaire pour dire, moi, je suis d'accord jusqu'à un certain montant, par exemple. Enfin, en tout cas, ils peuvent exprimer des éléments pour dire quel est leur vote, comment tenir compte de leur vote s'il y avait des choses qui changeaient. Ce que je veux vous dire, c'est que là, globalement, en fait, là, ce que je ne comprends pas, c'est que dans la salle, vous êtes tous pour cette résolution et que c'est seulement le fait qu'elle ne passe pas en première lecture, mais qu'elle doit passer en deuxième lecture. Et qu'il se peut qu'elle passe quand même en deuxième lecture. D'accord ? Je pense qu'on voulait tous être sûrs de ce qu'on comprenait ou pas. C'est tout, ça y est. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis bien, je suis fatigué aussi avec tout ce bruit, en fait. Excusez-moi. Vous aviez au moins 33% de pour cette résolution. Et c'est ce qui fait qu'il y a une deuxième lecture. S'il n'y avait pas eu 33% de vote, il n'y aurait même pas une deuxième lecture. Ce serait rejeté direct. D'accord ? Et ça, voilà. C'est une résolution comme ça qui est rejetée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de décision sur un seuil de décision. Donc, on applique les règles légales de la loi de 1965 et puis basta. Voilà. D'accord. Donc, en deuxième lecture, on se retrouve. Qui est pour en deuxième lecture ? Toujours les mêmes. Vous êtes tous pour ? Ok. Monsieur Koukoui, il vote, donc c'est le pouvoir d'Alem. Alem, en deuxième lecture, tu votes quoi ? Allô, Alem ? Contre. Pour les trois ? Oh, oui. Ok. Monsieur Changa, j'ai son pouvoir, et je vote contre sur le principe. Voilà. Et du coup, vous avez. Non, mais avant de dire. Attends, Benoît. Comme ils choisissent délibérément de passer du temps sur ce qu'ils veulent et pas de temps sur ce qu'ils veulent pas, est-ce que tu pourrais juste rappeler quel pouvoir confère un pouvoir, s'il te plaît? Parce que j'ai pas trop envie qu'on laisse passer des choses qui sont fausses. Ok, donc le pouvoir, c'est le fait qu'un copropriétaire qui ne peut pas venir à l'AG ou qui décide de ne pas venir à l'AG et qui décide de ne pas voter par correspondance, il peut donner son pouvoir à un tiers, qui peut être un copropriétaire ou qui peut être n'importe quelle personne. Donc, en l'occurrence, on m'a donné des pouvoirs et on peut représenter donc ce copropriétaire-là. À partir du moment où on donne son pouvoir, on donne les pleins pouvoirs à la personne qui a le mandat pour voter. Donc, Alem, aujourd'hui, elle a le pouvoir de M. Koukoui, de M. Pélisson et de M. Satidej. Et de ce fait, en fait, elle a les pleins droits de voter ce qu'elle veut en leur nom. C'est ça le principe. Et alors, du coup, cette résolution 8, qu'est-ce qu'il en est? Donc, la résolution 8, si vous regardez, elle est adoptée. Elle est adoptée à 5151 tantièmes en deuxième lecture. D'accord? Voilà. Okay. Donc, tout ça pour ça, hein, alors qu'ils n'étaient pas votés un budget 95 000. Très bien, on continue. Il y a quelqu'un qui lui parle, là? On peut avancer. Patricia, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelqu'un qui partait dans la salle, mais je ne suis pas sûr. Non. D'accord. Okay. Alors, la 9, le seuil de mise en concurrence, c'est le fait de dire à partir de quel montant le syndic a obligation de mettre en concurrence un prestataire. Ici, 500. Comme à l'AG du 23 juin 2021, en fait. Voilà. D'accord, très bien. Ça marche. Globalement, qui est pour? Globalement, c'est, vous avez convenu de ce seuil-là? Moi, je suis pour. Okay. Pour aussi. Dans la salle, globalement, vous êtes pour, c'est ça? Oui. Madame Gazal aussi. D'accord. Oui. Et est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Non plus? Ok, donc on peut valider le vote. Et là, la résolution est adoptée pour un seuil de mise en concurrence à 500 euros. L'accord de principe, donc on renouvelle une nouvelle fois l'autorisation de tenue des AG en visioconférence. Ça avait déjà été voté le 12 juillet. Et c'est vraiment de bon ton parce que, comme on l'a entendu, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas être là aujourd'hui pour des problèmes de Covid, a priori. Et c'est quelque chose qui peut revenir. Oui, OK. OK, tout le monde est pour. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Non, pas de contre? Non. OK. En visio, Madame Gazal, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Le vote est validé. Alors, ensuite. La réception des notifications par notification. Donc ça, le sujet, c'est simplement de... Vous savez qu'aujourd'hui, les frais postaux, ça coûte relativement cher. Alors, c'est simplement de reconfirmer pour ceux qui acceptent, en fait, il faut un accord écrit de recevoir les courriers en dématérialisé. C'est OK dans la salle? Tout le monde? Oui. Alors, bah, par contre, je suis obligé de prendre dans les ordres. Donc, Madame Albéro, vous êtes pour? Oui. Monsieur Bénard, il n'est pas là, hein. Monsieur Bordes non plus. Alors, ce que je propose, c'est pour le faire plus simple, c'est que vous êtes tous d'accord dans la salle, vous me dites tous, je suis pour. Oui. D'accord. Je vais juste entendre la numéro 11. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Non? OK. Madame Gazal? OK, donc je le ferai plus court, mais je me dirai que vous avez tous été pour, que vous acceptez de recevoir des courriers électroniques et ça coûte moins cher à la CoPro, c'est très bien. La résolution numéro 12, parce que j'imagine qu'on continue dans l'ordre, ratification concernant la souscription d'un contrat d'entretien des enfumages et extincteurs. Donc, le Conseil syndical a fait l'urgence de la situation. Voilà. Est-ce que vous êtes pour la souscription de ce contrat? Donc, c'est le but, c'est de ratifier, c'est-à-dire que, oui. Patricia, tu as engagé un contrat. Là, le but, c'est de le ratifier après coup. C'est Madame Kebab qui a fait le travail. Exactement. Donc, là globalement, enfin, moi, je peux vous engager à voter pour. Vous demandez pour. Oui. Pour. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Non plus. Donc, le vote est validé, les travaux sont ratifiés. Bon. Et ils seront prévus au budget, puisque ça rentre dans le budget des 86 000 euros. Ensuite, il y avait la signature d'un contrat de location-entretien relève des compteurs d'eau froide. Aujourd'hui, vous avez bien des relevés de compteurs d'eau chaude, vous avez bien des relevés de compteurs de chauffage, et étonnamment, vous n'aviez pas voté a priori précédemment de mettre des compteurs d'eau froide. C'est vraiment pertinent d'en mettre pour pouvoir faire une répartition de vos consommations d'eau froide à vos selon votre consommation au réel. Donc, il y avait un devis, je crois, qui était fourni en annexe de la convocation. Le sujet, c'est effectivement, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Globalement, est-ce que la salle est plutôt pour, plutôt contre? Pour moi. De toute façon, c'est une obligation. Non, le contrat, la location de compteur d'hiver, ce n'est pas une obligation, mais c'est tout intéressant pour chacun d'entre vous. C'est de s'assurer que vous serez facturé que sur la réalité de vos consommations d'eau plutôt que d'être au tantième. Au tantième, d'accord. Je prenais exemple de Patricia, parce qu'on en avait discuté. Patricia, elle a des gros tantièmes, elle a un grand appartement. Mais peut-être que Patricia ne prend que des douches, elle ne prend très peu de bains. Aujourd'hui, elle paye peut-être très cher son eau parce qu'elle est au tantième, alors qu'elle est peut-être peu consommatrice d'eau. D'accord. Et à contrario, il peut y avoir des petits lots qui, eux, prennent peut-être plusieurs bains par jour et qui consomment beaucoup d'eau et qui ne payent pas très cher. Donc, les compteurs du vierge, c'est un vrai intérêt. On a eu une coupure suite à une batterie à plat. D'accord. Mais bon, je crois que tout le monde est pour. Oui. Voilà. C'était pour le courrier. Non, c'était l'eau froide, pardon. Le comptoir. C'était pour le comptoir. Ouais. Okay. Donc, on a eu une petite coupure, mais là, on passe au vote du compteur, hein, c'est ça. Hein. Oui, on est au vote du compteur. Location, pas achat. Hein. Location. Aujourd'hui, c'est ce que vous avez avec ProxySERV sur l'eau chaude et le chauffage. Voilà. Et c'est tout intéressant. Franchement, et globalement, voilà, c'est que chacun d'entre vous, vous serez facturé qu'au réel et non plus sur des tantièmes qui peuvent être complètement aberrants. Donc, voilà. C'est une très bonne. Enfin, moi, je considère que c'est une très bonne décision. Globalement, j'entends que vous êtes tous pour. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'une date a été fixée du coup pour la mise en place de ces compteurs? Ben non, parce qu'il fallait voter pour ou contre. Il faut d'abord voter pour ou contre. D'accord. En fait, vous votez pour et contre. Et ensuite, à partir du moment que c'est acté, du coup, vous allez pouvoir effectivement les installer et prendre date avec un prestataire. Il y a une raison à ta question, Majda? Non, c'est juste pour savoir quand est-ce ça va être fait pour le plus rapidement possible, mieux sera. Oui, ça sera fait rapidement. Ouais, alors, est-ce qu'il y a des abstentions sur ce vote? Non. Est-ce qu'il y a des contres? Non plus. Donc, la résolution est adoptée. Ok. Alors, le contrôle d'accès aux ascenseurs. Donc, il y a eu des devis qui ont été proposés aussi. Il y a un certain nombre de prestations et le but, c'est de valider un budget pour faire l'ensemble de ces travaux-là. Le sujet, ça va être justement de créer un compte de travaux dédié qui va permettre de déclencher des appels de fonds pour pouvoir financer ces travaux-là. D'accord ? Au niveau des travaux, il y a trois sujets quand même qui sont dedans. Patricia, est-ce que tu veux en reparler rapidement ou pas des différentes prestations qui sont dedans? Je laisserai plutôt la parole aux personnes qui ont beaucoup travaillé pour ça. Je ne vais pas me faire. Alors, pour les ascenseurs, il y a seulement un devis parce que c'est obligatoire qu'on passe par Otis. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il y a seulement un devis. Le devis est très acceptable. Il y a moins de 600 euros pour les trois bâtiments pour mettre un code d'ascenseur. Après, il y a un devis pour un digicode. On a trois devis, mais peut-être qu'il faut voter alors, pour un devis. Mais y a, on a trois devis, ils sont très différents. Il y a un qui est beaucoup moins cher. Et donc, c'est bien que les digicodes, ils sont pour la porte. Pour la porte de, avant la deuxième porte la de SAS. Pour rentrer. Oui. Hein, ouais. Oui. Et après, on a. C'est quoi l'autre accès aux portes. Les accès des portes d'escalier ou les accès des portes de garage. Et on a pris les devis, mais les devis qu'on a pris, on pourrait les, ce serait bien de les valider, mais on peut faire. On a trouvé une autre solution. Plus simple, parce que c'est seulement choisir, changer les poignées, parce que les portes, elles se ferment automatiquement. Ça veut dire que si la poignée, elle se ferme automatiquement, il faudra la clé pour l'ouvrir de toute façon. Alors, c'est beaucoup moins cher de le faire comme ça que les devis qu'on a présentés. Mais il faut mettre des serrures, alors, pour les étages, porte avec serrure. Et, ouais, c'est ça, vraiment. Digicode, porte avec serrure pour les étages. C'est rouge que dans un sens. Parce que oui, c'est vraiment que dans un sens. Ouais. C'est interdit de mettre de l'autre sens. Il faut le dire. C'est interdit de mettre, par exemple, les sorties de garage, il faut qu'elles soient toujours accessibles. On peut fermer l'entrée, l'accès au garage, mais on ne peut pas fermer la sortie des garages. Comme la même chose pour les accès d'escalier. On peut fermer l'accès, mais on ne peut pas fermer la sortie. Comme actuellement, en bas. Ouais. Voilà. Et les ascenseurs, vous pouvez. Oui. Comment ça se passe là? Alors, il faut présenter des. Mais on a des devis. Non, mais on a des devis. Hein. Par exemple, le Digicode, ils sont très très différents. On a devis à 1000 et quelques, on a devis à 3000 et quelques, on a devis à 8000 et quelques. Mais la poignée, là, ce serait. La poignée, on n'avait pas fait comme ça les devis. Mais après, on a trouvé une solution beaucoup plus intelligente. Mais c'est. Peut-être la partie déjà. La partie. Voilà. Ouais. Et les poignées, ce sera beaucoup moins cher que le. Voilà. Ça sera moins cher que le devis le moins cher. On peut faire en deuxième phase. Oui. Non, mais ce serait bien de faire une seule fois, parce que c'est les mêmes personnes. Oui, mais Le devis qu'on a, c'est 200 euros par porte. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut voter maintenant pour la partie qui est un peu conséquente, c'est-à-dire les digicodes et les codes d'ascenseur. Et le reste, ça rentre dans l'échelle moins de 500 euros. De toute façon, ça me fait le code pour après, on s'en va. Ah, ouais, ok. Sinon, j'ai une question. C'est juste une question de savoir si ça pourrait servir pour le contrôlant. C'est-à-dire, on vote, admettons, une enveloppe de X milliers d'euros pour faire tous ces travaux-là, ce qui permet derrière, en fait, de valider cette enveloppe-là. Et à l'intérieur de cette enveloppe-là, de pouvoir réaliser tous les travaux, du coup, le plus rapidement possible. Ça me semble cohérent. Parce que la sécurité, c'est le plus important. Hein. Les trois qu'on a, justement, à ce moment-là, dans le fait de l'âger, on met les trois travaux. Et puis, ça peut peut-être se gérer comme ça pour gagner du temps. Benoît, c'est possible de faire comme ça? C'est bon, je n'ai pas entendu ce que je demandais à mes garçons, s'ils voulaient bien manger des pizzas. Et donc, c'est le four. Et nous aussi, hein. Alors, le sujet. Donc, la question est la suivante, c'est que là, il y a des trucs sur lesquels on n'a pas les devis, ok. Mais par contre, mais qui seraient pas trop chers, et notamment, c'est la sécurisation des portes, ce qui est quand même relativement urgent. Donc, la question qu'on me posait, c'est que plutôt que de voter pour un devis, puis un autre devis, puis un autre devis, est-ce qu'on peut pas faire la somme à peu près avec plus ou moins 10% et déterminer un budget global pour ces travaux-là? Ouais, j'ai compris la logique. Ce qui permet au syndic bénévole de réaliser les travaux rapidement. Oui, exactement. Donc, j'ai bien compris la logique. Et effectivement, en fait, c'est toujours important de présenter des devis en AG pour pouvoir avoir des bases de prix. D'accord, c'est pour ça qu'on indique de mettre des devis. Et les devis, les contrats, tout ça, ça peut être présenté le jour de l'AG, même si c'est idéalement de les mettre avec la convocation. Mais si on n'a pas eu, si on les a pas reçus le jour où on nous envoie la convocation, on peut toujours les présenter le soir de l'AG. D'accord ? Et donc, pour ça, effectivement, vous avez eu un certain nombre de devis que Mme Kebab a obtenu. Il y a une réflexion qui est faite qui nous permet d'alimenter une réflexion, de vous dire, globalement, on voudrait installer un digicode. Alors, il faut juste qu'on soit clair sur ce que j'ai écrit là pour se dire quelles vont être la nature des travaux. Mais effectivement, vous avez tout à fait le droit en AG de dire on ne va pas s'engager sur un prestataire, mais on peut proposer de voter un budget. Ouais. Comme vous venez de le dire, j'ai envie de te tutoyer, mais comme vous venez de le dire. Ouais. Et ensuite, ça fait une enveloppe et ensuite le syndic va pouvoir aller consulter des entreprises pour rentrer dans ce budget-là pour faire les travaux. Le seul bémol, c'est que pour voter le budget, il faut quand même préciser en quoi ça consiste. Pourquoi ? Ouais. Il ne s'agit pas qu'on vienne dire on va mettre pour 5 000 euros de travaux. Et qu'on dise pas qu'on achète un jacuzzi, quoi. Ouais. Exactement. Okay. Jour, je vais vous donner un exemple. J'ai une copropriété qui m'a dit on voudrait voter un budget pour acheter une voiture à notre gardien. Une voiture, hein. On parle bien d'une voiture. C'est des gens très, très riches en Corse. Ils ont acheté une voiture pour que le gardien puisse aller emmener les déchets verts à la déchetterie à 5 km. Bon, voilà. Ils ont d'autres problématiques que les vôtres. Mais j'aurais dit, vous pouvez pas voter ça. Il y a un appartement libre ou pas? J'aurais dit, vous ne pouvez pas voter ça parce que les travaux, vous avez voté un budget, mais pour des travaux particuliers. Vous ne pouvez pas dire, on va utiliser cet argent-là pour faire autre chose que ce qui était prévu. Donc, ici, il faut quand même bien dire, OK, pour mettre un budget, mais pour faire quoi? Moi, j'ai compris. Alors, là, pour le coup, les trois choses qui sont indiquées dans la résolution 14.1 correspondent effectivement aux trois choses qui, en tout cas, ont été travaillées. Directement. Donc, si tout le monde en est d'accord, effectivement, de rester sur l'installation du digicode sur la porte intermédiaire, il y a ça. Ensuite, il y avait la sécurisation des portes d'accès au garage et aux étages. Donc là, c'est là où tu as trouvé l'autre système, qui est beaucoup moins cher et qui est beaucoup plus simple. Ça évitera que les gens perdent les vigies, que ça les fasse tirer. Hein. Et le troisième aspect, effectivement, c'est installation du code de sécurité dans les ascenseurs. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Tout le monde est d'accord par rapport à ça. Il manque une des portes, c'est une serrure plus. Oui, mais c'est la sécurisation des portes d'accès. Mais il y a beaucoup de trucs dans cela. D'accord, mais l'enveloppe, tout ça, on est d'accord? Bien. Donc du coup, les trois choses, c'est effectivement bien ça. Là, par rapport aux devis que tu avais pu faire. On va faire 7 000. Excusez-moi, j'ai juste une question par rapport aux portes intermédiaires. On installe bien des portes avec des ventouses ou pas? Oui, c'est ça. Donc, ok, ça marche. Merci. Avec du code et Vigic. Oui. Ok. Et donc pour ça, il y a un devis qui est en l'occurrence le moins cher. Benoît, j'ai une question. Est-ce que ça risque pas d'être défavorable pour nous pour ce qui est de la procédure judiciaire, c'est-à-dire que là où on va mettre de la sécurité à ce qui n'est pas sécurisé, est-ce que l'expert ne risque pas de minimiser notre préjudice si derrière où est-ce qu'il vaut? Ce n'est pas installé sur les portes justement où il y a des mais moi je suis pas juriste, hein. Je suis pas expert comptable, je suis pas moi non plus je suis pas juriste, hein. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux mettre en question de se faire valider par l'avocat? Cette installation, elle est pas sur la porte sur laquelle on a des soucis. Oui, mais on ne sait pas l'incident. Il vaut mieux demander conseil au juriste, ça ne coûte rien. Et s'il nous donne son go, faisons-le. S'il nous dit non, il ne faut pas oublier qu'on a une procédure en cours et qu'on a déjà engagé de l'argent. Donc là, si on jette l'argent par les fenêtres, ce n'est pas judicieux. On se le refera valider. Du coup, l'enveloppe budgétaire globale. C'est 4 500 à 5 000 euros. Ouais, entre 4 500 et 5 000 euros pour l'enveloppe, pour les trois immeubles. Alors, en fait, vous ne pouvez pas dire entre et entre. Il va falloir donner un budget, puisque ça va définir les appels de fonds. 5 000. Donc, il vaut mieux aller au plus haut. En fait, il vaut mieux aller au plus haut. 5 000. D'accord. Et après, Et c'est tout l'intérêt, en fait, de travailler avec un SAF. Selon l'accord de l'avocat, si l'avocat, ouais, il donne le bruit. Oui, c'est ça. Alors, en fait, l'avocat, il vous a effectivement dit, il faut peut-être mieux attendre que l'expert soit passé ou que les décisions soient prises. Mais en tout cas, vous aurez voté un budget. Donc après, avec ce budget-là, bah, vous allez pouvoir le faire quand ce sera judicieux et pertinent. On ne sera pas bloqué. Exactement. Et qu'il vaut mieux, également, effectivement, avoir voté un budget un peu large pour être tranquille, pour pouvoir trouver les meilleures solutions possibles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec un syndic bénévole, la recherche, elle va être pour trouver la meilleure solution au meilleur rapport qui a été pris. L'état d'esprit, c'est toujours, effectivement, vous trouvez les meilleures solutions. Et Madame Kebab, elle a fait un super travail et qu'il faut s'appuyer sur ce travail-là. C'est Madame Montero. Et Madame ? C'était Madame Montero, Madame Kebab, c'était le désenfumage. Ah, pardon. Excusez-moi, alors attendez. D'ailleurs, c'est dommage parce que je vois que le devis que je vous ai transmis pour la vidéosurveillance n'est pas dans l'ordre du jour. C'est dommage. Est-ce que c'était comme ça ? Alors, est-ce que c'est comme ça, Madame Montero et Monsieur Ouaro, c'est ça ? Oui, c'est bon. D'accord. Je rechange un petit peu. Enfin, de toute façon, Monsieur Ouaro, on relira le PV ensemble avant de le signer, d'accord ? Excusez-moi, pardon. Juste, comme je me suis trompé des noms, il faut juste, faire ça, d'accord ? Pas de souci. Ok. Donc, là, il y en a pour vous voter pour 5 000 euros pour faire ces éléments-là. On est d'accord ? Je vais reformuler un peu peut-être le truc par rapport aux différentes solutions. Mais c'est que tout le monde soit d'accord. La pose d'un digicode sur la porte intermédiaire avec un digic, la sécurisation des portes palières qui donnent accès aux étages et au garage. Et le code dans l'ascenseur. Ok, donc là, la formulation de la rédaction, ça vous convient tous ? Excuse-moi, Benoît, je n'ai pas vu si tu avais rajouté le fait que c'est sous validation de l'avocat. Ah bah, si vous voulez, ces travaux seront réalisés après l'accord de l'avocat du syndicat, c'est ça ? Ça. Effectivement, il pourra, enfin, comme il vous l'a écrit ce matin, il a écrit ce matin ou cet après-midi, je ne sais plus. Mais, en tout cas, voilà, il vous invite à essayer de patienter un petit peu. Mais, l'avocat du syndicat des copropriétés. Voilà. D'accord. Donc là, la formulation de la résolution, elle vous convient ? Ok. On peut passer au 15, du coup ? Alors, juste, attendez, parce que on est tous d'accord, tout le monde est pour. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre ? Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre ? Non ? Ok. Donc, ça, c'est validé pour 5 000 euros. Alors, derrière, voilà, c'est adopté. Derrière, effectivement, ça va être de se dire comment on vend-il ? Laurie, elle est partie. Ah, ok, pardon. Ok. Donc là maintenant, il faut effectivement choisir l'échéancier. Vous avez 5 000 euros, c'est de se dire comment vous allez l'appeler. Et donc, est-ce qu'on fait un appel, deux appels, trois appels ? Le sujet, c'est de se dire, c'est par rapport à ce que chacun d'entre vous allez devoir amener. D'accord ? Est-ce que 5 000 euros, on le fait en un seul appel de fonds ? Est-ce que vous dites on attend parce qu'on sait que ça peut-être attendre 2 ou 3 mois ? Voilà. On peut utiliser la cagnotte Allure, non ? Vous pourriez utiliser la cagnotte. Normalement, Benoît, excuse-moi de vous interrompre. Ouais. Normalement, Benoît, on est en bénéfice théoriquement, tous les copros. Comme on ne peut pas avoir le chèque, tout va être versé dans la cagnotte et là, on pourrait s'en servir. Là, aujourd'hui, les comptes ne sont pas approuvés. Donc, en fait, comme les comptes… Alors, il faut bien dissocier les choses. On parle d'exercice par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas dire de le faire en 2 ou 3 fois et puis en attendant, si les comptes sont validés, revenir en arrière, dire c'est bon ? Vous pouvez toujours voter une assemblée générale pour remodifier les conditions. Est-ce qu'on peut utiliser la cagnotte Allure qui a déjà été mise provisionnée dans le budget ? Voilà. Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Eh bien, vous pourriez, à condition que l'appel de fonds soit après l'appel du fonds Allure. Et... Il y en a déjà un qui est passé de fonds Allure. La cagnotte Allure de l'année dernière, est-ce qu'on peut l'utiliser? Vous disiez tout à l'heure qu'on avait 7000 euros ou un truc comme ça, non? Voilà. Ah, de la dixième, de la nouvelle. Ok, alors ça va arriver en janvier. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle ne doit pas y aller. Elle ne doit pas y aller. J'ai une question. Est-ce que la cagnotte, on peut l'utiliser même si les comptes ne sont pas approuvés? Oui, parce que ça n'a rien à voir, en fait. D'accord. C'est vraiment bien dissocié, quoi. D'accord. Le sujet, ce serait de financer ça sur, en totalité sur le fonds Allure. Est-ce que ce serait la finalité de financer ça sur le fonds Allure? Oui, oui. Exactement, on est sur le compreneur. Donc, voilà. Oui. Oui, oui. Sans chance. Il faut que je vois comment on peut faire, parce que le problème, c'est que je ne vois pas où votre fonds Allure là-dessus. Voilà. Après, il faut mettre au cours, mais bon, on n'a pas besoin. Voilà, on l'espère, mais pas besoin. C'est normalement. Ouais, mais il y a besoin. Et de toute façon, oui, il faut rajouter, parce qu'il n'y a pas assez. C'est des frais de cette année, c'est-à-dire l'année prochaine. On aura plus. 4000 et quelques, l'année d'après, 4000 et quelques. Du coup, ici, je crois qu'on est tous d'accord. Oui. Alors, moi, la question, c'est, est-ce que vous ne confondez pas le fonds Allure avec l'avance de trésorerie que vous avez fait? Non, on parle bien du Allure. Vous parlez bien du compte Allure, du caisse Allure. La cagnotte Allure par le... Les 5% des 5% qu'on a voté et qu'on a ceux de l'année dernière. D'accord. Okay. On a reconduit. Ok, ça marche. Ouais. Bon, ben je vois, je ne sais pas comment je vais faire, mais en fait, ce soir, je mets 100% sur le fonds Allure. Voilà, ce qu'il faudra juste vérifier, c'est si ce fonds, ce qui a été déjà mis dedans, c'est suffisant. Voilà. Si ça correspond au vote des 5000, et sinon, après, le delta sera... Voilà, et on peut quand même se dire que le delta sera pris en une fois. Oui, une fois, non, mais c'est ça, c'est dans les travaux, on aura bien fait un versement. Exactement. Je pense qu'il faut quand même qu'on définisse au cas où. Donc, du coup, si je résume là ce qui s'est dit, donc, on souhaiterait prendre dans le fonds Allure pour payer ce contrôle d'accès aux ascenseurs. Si jamais le fonds Allure ne suffit pas, pour la 14.2, on dirait l'appel de fonds sur une fois, du coup, pour payer le solde qui n'aura pas pu être payé avec le compte Allure. Ouais. Okay. C'est cohérent ou pas? C'est très bien. Effectivement, c'est de se dire, on utilise, pourquoi pas, on utilise ce que vous avez économisé l'an dernier ou épargné quelque part et on complète par de l'appel de fonds. Okay. Je me le note comme ça et M. Warraud, je le reformulerai bien pour la relecture. D'accord? Ok. Est-ce que, donc, globalement, vous êtes pour? Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention? Pas d'abstention. Il y a des contre. Il y a une toux. Contre. Pas de contre. Pas de contre. Ah, bon. Voilà, je vais faire n'importe comment. Allez, je vais mettre. On va mettre là. Excuse-moi, Benoît, j'ai pas suivi, j'ai mon fils à côté. Ça se fait en combien de fois? L'idée, c'est de financer par de la par réserve. Par le compte Allure, c'est ça? D'accord, oui. Ok, j'ai compris. Et faire ensuite un complément, ensuite de faire un complément par appel de fonds si nécessaire. Bon, bah super. Eh ben, merci beaucoup, parce que j'ai les copros qui sont par texto, donc voilà, je leur dis en temps réel. Ok, merci. Ensuite, les votes de travaux pour l'entretien de la haie mitoyenne avec l'EHPAD. Donc là, il y a eu des devis également. Le sujet, c'est effectivement de se dire, est-ce que vous votez pour ces travaux-là? Il y avait quelqu'un qui était en charge du dossier, je crois. Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Oui, ça va être rapide. En fait, j'ai un copropriétaire qui est prêt à venir avec son matériel pour tondre la haie. Et si ça n'embête pas monsieur et madame Gazelle qui ont eu la gentillesse de s'en occuper, monsieur Gazelle, je l'ai vu avec le prestataire, de pouvoir renégocier le contrat avec lui à la fin du contrat d'idée verdée, ce qui pourrait nous permettre d'économiser, alors ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça, le montant de la haie. J'ai une question supplémentaire également. Est-ce qu'il pourrait venir faire aussi l'entretien de la végétation sur la terrasse partagée ? Parce que là-haut, c'est plein de... Alors, je suis étonnée. Je suis étonnée, monsieur Albéro, parce que normalement, il déverdait, est censé le faire. Alors, si ça n'est pas fait, c'est un manquement. Non, c'est pas fait ni sur celui bâtiment B au troisième étage, c'est pas du tout entretenu. Hein. D'accord. Eh bien, merci de me le faire remonter. Je vais m'occuper de ça dès lundi. Voilà. Parce qu'il y a même des arbres qui commencent à pousser dans les jardinières. Quoi. D'accord. Alors, pour des raisons de sécurité, j'avais confié les clés à Émilie quand j'étais encore présidente du conseil syndical, parce qu'on avait des intrusions et qu'il y a des personnes qui passent. Voilà. Et du coup, merci de m'en informer. Je vais m'en occuper dès lundi. Et je vous tiendrai informé de ce qu'il m'a dit. Je vais prendre les photos quand même en passant, histoire qu'il... Alors, la question de renégociation de contrat, on a déjà pensé avec monsieur Gazal. Juste la date de Iverde, ça se termine quand, du coup? Alors, en fait, le contrat a été mis en place assez tard, puisqu'il n'avait pas été mis en place par Foncia, comme beaucoup de contrats. Donc, il faudrait que je regarde. Ce qui compte, en fait, ce n'est pas la date de fin, c'est la date à laquelle il faut s'y prendre à l'avance. Donc, je t'avoue que je n'ai pas tout en tête, mais je vous en informerai sur la plateforme. Je vais regarder et je vous dirai. Et avec grand plaisir de recevoir le prestataire pour voir avec lui ce qu'il peut faire. Et aussi, c'est plus... je pense qu'on pourra le faire, ça. Il n'y a pas de souci, on pourra le contacter. Non, bien sûr. Bien sûr, je vais arriver. Comme vous voulez. C'est juste pour lui donner aussi de la visibilité. Est-ce qu'il aura le contrat en globalité d'ici 2 mois, 3 mois, 1 an? Enfin voilà, je pense que c'est une question légitime. Bien sûr. Et s'il peut nous donner un prix, sachant qu'il est passé. Après, s'il a besoin de repasser, on se tient au courant et je ferai la visite avec lui, puisque j'ai 2 jours de télétravail par semaine, donc je peux l'accueillir. Et au plus vite, il nous donnera un prix. Si c'est validé par la copropriété, sachant que je suis obligée de faire un autre devis ou un troisième selon les obligations, on lui validera, il sera sûr d'avoir le contrat pour la date indiquée. Après, d'accord. Voir le cahier de charge, c'est quoi? On n'a pas vers l'email. Il n'y a pas de souci, je te le transmettrai à Mokhtar. D'accord, ok, ça marche. Merci d'avance pour ton aide. Pas de souci. Sur la haie, si on revient sur le 15.1, la proposition, c'est qu'on ne prenne pas ça et que ça soit fait de façon bénévole, c'est ça? Alors, je ne sais pas qui parle, je crois que c'est monsieur Marot. Ah oui. D'accord. Alors oui, tout à fait. Donc j'ai l'accord et la proposition de Monsieur Tadushi de venir et puis de nous prêter tout le matériel et on peut éventuellement passer sur les zones qui n'ont pas été faites parce qu'elles sont occupées par des locataires et que c'est pas entretenu. Alors, excusez-nous, on n'est pas sûr du coup d'avoir compris. Est-ce qu'il nous prêterait du matériel? Il faudrait qu'on le fasse nous. Non. Il viendra. Je lui prêterai main forte. Et puis mon mari aussi, puisqu'il l'a déjà fait pour la voisine d'à côté. Et puis tous ceux qui veulent sont les bienvenus. Mais non, c'est prévu qu'on s'en occupe. J'ai rien contre. Hein. Aujourd'hui, j'étais beaucoup faire façon bénévole aussi, mais on avait un petit peu explicité que de le faire de façon bénévole, ça dépendait de la bonne volonté de chacun, et que si jamais il y a des changements ou quoi que ce soit, ça rendait plus. Enfin, vous savez qu'il y avait une attente de la part de l'ensemble des copropriétaires que ceux du rez-de-chaussée ou les quelques personnes qui seraient volontaires pour le faire. Alors, c'est Madame Moirot? C'est Madame Moirot? Oui, bonsoir Madame Moirot. En fait, je suis d'accord avec vous et ça m'embête parce que j'aime pas faire venir un professionnel pour rien, pour ne pas lui valider son devis. C'est pas dans mon dans mon habitude, sachant que je suis commerciale moi-même. Mais en fait, il y a un tel écart entre ce que propose le prestataire qu'a trouvé M. Gazal, et encore une fois, merci à lui, que je suis sûre que je suis sûre qu'il va nous faire un super devis. Et je pense que dans l'intérêt de la CoPro, il vaut mieux attendre pour englober toute la prestation que de faire deux prestations différentes par deux prestataires. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je propose et c'est vous qui décidez. Hein. Okay. C'est ça. D'accord. Moi, je suis d'accord. Compte, c'est bon. Du coup. En parlant de déverter, il y a un arbre à côté de tout qui est mort là. Parce qu'il n'a pas été. Non, mais est-ce que ce n'est pas dans leur prérogative de s'occuper de ça d'entretenir pour en gros. Il est mort, hein. Vous n'avez pas tort, Monsieur Waro. Moi, honnêtement, je questionnerais bien l'équipe juridique de Matera pour qu'il nous apporte une réponse. Mais comme me l'a dit très bien une propriétaire qui connaît bien ce monde-là, si demain ils prennent la décision de la raser, sachant que c'est un EHPAD, ils n'ont pas beaucoup de moyens, j'ai peur qu'on se mette en. Non. Non, en fait, l'EHPAD, pour la faire simple, elle l'a joué fine. Oui. Et en gros, elle a dit, moi, de toute façon, je ne le ferai pas, c'est votre problème. Sinon, au pire, je rase. Parce qu'elle est en train de faire des travaux de l'autre côté. Et des travaux, il y en a pour beaucoup plus cher, elle fait des allégies japonaises et tout le bazar. Mais de toute façon, elle ne le fera pas, ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr, par contre. Donc ça serait dramatique parce qu'on a les poubelles, on a le passage des camions. Benoît, tu peux te le noter, ça, ce point, pour mettre l'équipe juridique dessus pour voir quels sont nos droits et... Non, on avait décidé déjà qu'on ne peut pas mettre un procès à l'EHPAD. Non, mais on n'est pas en train de décider d'un procès, on se renseigne juste sur nos droits. Faire un procès, c'est juste connaître nos droits. Non, mais on sait nos droits. Et vont raser la personne. Non, c'est pas forcément. Mais c'est Madame Montero, c'est pas parce qu'on se renseigne qu'on va faire une procédure. Mais vous inquiétez on sait pas. Déjà quels sont nos droits. Moi, je sais les droits. Et ils sont obligés. C'est à eux de faire. C'est très clair. C'est dans leur truc. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ne vont pas le faire. Ou alors, si on rentre par la façon juridique, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont retirer complètement l'AE. Ils ont déjà dit. Alors. On sait tous que c'est de leur fait et que c'est à eux de le faire. Par contre, on sait aussi tous qu'ils ne le font pas. Ça, c'est sûr. Oui, et puis en plus, ils ont un budget qui est limité. Donc, limité pour les travaux qu'ils font de l'autre côté. Ben, c'est comme vous le souhaitez. Allez, moi, je suis contre une procédure. En fait, il n'y a pas de procédure. Nous sommes tous contre. Ok, donc ça veut dire. Alors, excusez-moi, parce que moi, il y avait beaucoup de bruit. Ce que je comprends, c'est que l'idée, ce ne serait pas de voter des travaux, ce serait de voter contre, parce qu'il y aura un chantier participatif gratuit qui se mettrait en place avec un voisin qui prêterait du matériel, etc. Ouais, c'est ça, on le fera nous-mêmes. Voilà. Et l'année prochaine, on mettra en service le contrat qu'on négociera avec le prestataire qui nous a fait. Si j'entends bien, tout le monde est contre. Oui, c'est ça. Et, est-ce qu'il y a des abstentions? Non, ça tient. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour ces travaux? L'idée, c'est de renégocier un contrat parce qu'il est déverdé devant trop cher. Donc, lors de la renégociation, pour moins cher. Est-ce que l'arbre, c'est à cause du lapin? On peut en parler ou pas? Exactement. Bah oui, c'est pour. Ok. Est-ce que ça vous convient si j'écris ça avant et après de dire qu'on pourrait avoir les services d'un chantier participatif bénévole avec d'un voisin qui a du matériel et de renégocier ensuite le contrat espace vert pour que ce soit une prestation globale plus aboutie, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ok, je n'étais pas sûr d'avoir bien compris. Mes enfants commencent à être affamés, mais c'est eux qui s'occupent de faire les pizzas maison ce soir. Pour une prestation globale plus aboutie. La 15.2 n'a pas lieu, non? Comment? J'ai pas entendu. Du coup, le 15.2 n'a pas lieu d'être. Eh bien, exactement. Donc, on est bien d'accord, vous avez tous voté contre. Il y a peu de. Il y a, personne n'est pour, personne ne s'abstient. Donc, on est pour. Pardon. Hop. Donc, la résolution étant rejetée, effectivement, le financement, il ne se pose pas. Équipement des boîtes aux lettres. C'est équipement des boîtes aux lettres. Là, le sujet, c'est d'équiper de façon uniforme vos boîtes aux lettres et l'intérieur des plaques et sous-plaques. Il y a eu un devis qui a été fourni. Est-ce que vous êtes. Alors, par contre, il faut que j'indique quand même le montant du devis. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas en faire justement, en fonction de ce qu'on a voté préalablement, c'est faire plusieurs devis pour justement pouvoir comparer par rapport à ça, en toute logique par rapport aux votes qui ont été faits préalablement. Vincent. Alors, Vincent, en fait, le sujet. Je n'ai pas entendu. Excuse-moi, Benoît, je précise juste. En fait, c'est faible, Vincent, j'en ai fait trois. Et okay. J'ai choisi le moins cher. Et en plus, il nous propose la prestation, c'est-à-dire de faire des relevés sur place pour bien indiquer les bons noms. Les autres ne le proposaient pas, donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Ok, donc s'il y a eu trois devis, effectivement, après… Après, je peux vous les remettre sur la plateforme, mais ils y sont déjà. Mais, par contre, ouais, la question qu'on avait tous, je suis à côté, c'est parce que là, en gros… Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est unitaire. Alors, en fait, par rapport à la facturation, là, on est sur une facturation au tantième, alors que là, pour le coup, ça a beaucoup moins de sens, quoi. Parce que, était sur 30 ou 40 euros par personne en fonction de si les propriétaires prenaient une sous-plaque ou pas. Ah bah pardon, j'avais mal compris. Donc, c'est moi qui ai mal compris. Il faut savoir aussi qu'en général… La mise à jour des étiquettes, à condition que ça ne change pas non plus à tout va. Mais en général, ça fait souvent partie des missions de syndic de dire le syndic s'occupe de mettre à jour les étiquettes. Donc, c'est-à-dire que quand il y a des changements d'occupants, évidemment que le copropriétaire doit informer le syndic en disant monsieur le syndic ou madame la syndic ou monsieur le syndic, tout ce que vous voulez. Il faut. Et voilà. Et en fait, ça rentre dans les charges, dans les frais généraux, ça. Donc, ce n'est pas des travaux en plus, ça rentre plutôt dans vos charges générales. D'accord. Il faut simplement que le propriétaire informe du changement pour que les travaux soient faits. Ok. Bah, en fait, ce qu'on n'avait pas compris, Alem, en fait, c'était l'histoire des frais généraux, c'est des charges générales après. Et on pensait que c'était dedans et donc du coup au tantième. C'est pour ça. Non, parce que ça c'est, je crois que c'est pour les propriétaires non occupants qui refacturent à leur locataire, c'est okay. Ça C'est exactement. Effectivement, c'est totalement des charges récupérables. C'est des charges locatives récupérables à 100%. Après, je ne sais pas si vous vous souvenez du devis que nous avait fait Foncia, mais sans vouloir dire de bêtises, je crois que c'est entre 60 et 80 euros. Je trouve que c'est intéressant. Et les deux autres devis, Alain, tu étais sur quel montant? On était plus cher, sachant qu'ils ne proposaient pas l'offre, la prestation où ils doivent venir et faire le recensement. Et pour certains d'entre eux, il n'y avait pas l'offre de, l'étiquette à l'intérieur de la boîte aux lettres pour que le facteur ne se trompe pas de boîte. Mais je peux vous retrouver tout ça et vous le renvoyer. Il n'y a pas de souci. Les portes et les boîtes aux lettres. Ah, il y a les portes. Il y a les portes et les boîtes aux lettres. Portes des étages. Okay, oui, les portes, les boîtes aux lettres et l'intérieur des boîtes aux lettres. Ok, parfait. Je vous enverrai tout ça, j'ai plus les prix en tête, mais ça ne dépasse pas les 50 euros si vous prenez la totalité. Je vous remettrai les devis. Donc on ne vote pas alors. Bah, en fait, si. Vous pouvez voter. Oui, mais on choisira le devis moins cher. Voilà, en fait, le sujet, c'est plus. C'est 40 euros. Ouais. C'est combien par personne, Vincent? C'était 47, il me semble. Alors, ça dépend. Si tu prends la sous-plaque, c'est 47. Merci, Patricia. La sous-plaque, c'est pour la porte. En fait, c'est quand tu changes. C'est plus adapté aux propriétaires non occupants. Comme ça, quand ils arrachent la plaque, ça n'abîme pas la porte. Pour avoir vu le style, je trouve ça assez joli. Donc après, c'est vous qui verrez si vous voulez mettre la sous-plaque ou pas. Donc en fait, le devis, le montant va être unitaire. C'est vous qui choisirez. On vous fera passer un document et c'est vous qui choisirez si vous voulez la sous-plaque, juste la plaque. Ouais, non, mais il y avait, à la base, il y avait une incompréhension sur les histoires de frais généraux et de tantièmes. Mais déjà, un, c'est unitaire, donc ça éclaircit le sujet. Oui. Et le deuxième point, effectivement, c'est que 47 balles. Non, mais ça, c'est par rapport aux charges récupérables. Ok. Si tout le monde est d'accord, on vote. Alors, excusez-moi, parce que moi, du coup. Ou sinon, a priori, c'est moins cher des francs. Ce que disait. Ouais. Non, mais là, c'est l'univers. Les dépenses, j'ai pas compris moi. Ce que vous vouliez faire, c'est que vous vouliez les mettre dans quoi? C'est que, quand vous disiez que c'était unitaire, c'est que, non, mais c'est que chacun soit en fait, facturé sur ce qu'il prend. En fait, Vincent faisait la réflexion de dire ben, on pensait que c'était calculé en fonction des tantièmes. Alors je lui disais que non. De toute façon, c'est nous qui. Voilà, c'est nous qui allons, je pense, choisir la manière dont on va répercuter. Je pense que ça concerne plus les propriétaires qui sont non occupants, parce que les charges sont récupérables. Tu me dis si je me trompe, hein, Benoît. Je suis pas la sensation. En fait, c'est vrai que comme je vous disais, globalement, c'est tout, quelle que soit l'étiquette que vous prenez, en général, en fait, il y a deux possibilités de le faire. Soit on fait comme un badge, c'est que de dire, on considère que c'est une forme de stock et que en fonction des demandes de chacun, le syndic va passer la commande en fonction des demandes de chacun et va ensuite imputer une dépense à chacun d'entre vous suivant la réalité des choses. D'accord ? Ça peut se faire comme ça et qu'à chaque fois que vous demandez de changer une étiquette, bah vous savez ce que ça coûte et le syndic vous le facturera à prix coûtant, évidemment. Soit sinon, c'est de se dire bah, ça rentre dans les charges générales et c'est réparti au tantième. Mais là, du coup, ceux qui ne changent jamais leur étiquette, bah, ils payent pour tous les autres qui changent beaucoup. Donc, je pense qu'effectivement… Alors, j'avais parlé de charges générales, mais ce n'est pas logique. Voilà, donc ce que j'entends moi, c'est que effectivement, c'est plutôt de se dire, effectivement, ça va être des dépenses qui sont hors budget et qui, en fonction de la demande de chacun, vous allez pouvoir dire au syndic, ben voilà, moi je veux une étiquette de porte et une étiquette de boîte aux lettres et ça vous sera facturé au réel. D'accord ? Oui, alors, est-ce que ça pour. Mais là, je retourne à la fin. Non, mais après, vous pourrez choisir si vous voulez pas de soupe. C'est ça. Alors, on va du pour le maximum. Oui, dites-moi. Est-ce que vous arrivez à bien lire ce que j'ai écrit, le fait de dire ? Je suis désolé. Excusez-moi, juste deux secondes. Pardon. Ouais. Parce qu'il faut qu'on avance, effectivement, c'est de se mettre d'accord. Quand vous dites on vote, il faut quand même que j'écrive quelque chose qui soit clair pour tout le monde, qu'on ne vienne pas dire ça ne va pas. Donc, globalement, on vote pour un prestataire pour équiper de façon uniforme toutes les boîtes aux lettres. Oui. Si on prend les trois étiquettes à la louche, c'est à peu près 50 euros, mais les devis seront transmis à chaque copropriétaire. Chaque copropriétaire pourra choisir ce qu'il veut et passer commande au syndic. Et ensuite, le syndic facturera chacun en fonction de la commande qui passe. C'est-à-dire, quelqu'un qui demande qu'une seule étiquette, il facturera sur une seule étiquette. Quelqu'un qui demande une étiquette tous les 6 mois, il lui sera facturé une étiquette tous les 6 mois. Ok, c'est bien, vous avez bien résumé, oui, tout à fait. Et moi, j'ajouterais juste que je n'ai pas trouvé les devis, les deux autres devis. Je vais vous les renvoyer, il n'y a pas de souci. Ah, je vais tous vous les mettre sur la plateforme. Ok, merci. Exactement. On verra même ce que je pourrais proposer. Enfin, on verra. Vous verrez, il y aura des choses pour que ce soit facile pour vous à indiquer ce que vous voulez, etc. D'accord ? Bon, okay. Donc on est d'accord sur ce principe. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde est pour. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des abstentions ? Non. Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Non. C'est pareil, en visio, Madame Gazal, vous êtes toujours là avec nous. Hein. Okay. Ok, donc on valide. Je suis pour. Ok. Alors, Madame Montero. Madame Montero avait sollicité, s'il vous plaît. Oui. Madame Montero avait sollicité en AG, sollicite l'Assemblée Générale pour pouvoir effectuer des travaux à ses frais pour mettre en place une pergola. sachant que ça affecte les parties communes éventuellement, mais dans tous les cas, ça ne change pas la conformité ou la destination de l'immeuble. Elle a besoin de l'autorisation de l'AG pour pouvoir faire ses travaux, sachant que tous les travaux et tous les frais qu'il peut y avoir seront entièrement à sa charge et qu'elle reste responsable du bon état des parties communes et de la remise en état des parties communes suite aux travaux. D'accord ? Voilà. Moi, j'avais une question à ce propos. Est-ce que vous avez reçu la validation, l'acceptation du permis de construire par la mairie ? Non, parce que pour l'instant, il n'y a pas de permis de construire, il n'y a rien. Je ne vais pas faire un permis de construire avant d'avoir une non, acceptation. C'est pas toi. C'est la, normalement, la mairie est censée nous délivrer un document qui dit que les travaux sont validés. L'acceptation de la DACCTP. Voilà, c'est ça. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Là, ça, c'est Madame Lui qui l'a envoyé. D'accord, non, parce que c'était pas, je savais pas, j'avais pas l'info. Parce que c'était la condition, en fait. Tout à fait. Bon, bah, il n'y a pas de. Tout à fait, tout fini, conformément. Oui, elle a même envoyé un message à M. Chébly. Tout à fait. Il y a 15 jours. Mais c'était pas il y a longtemps, si. Non, il n'y a pas longtemps, effectivement, la confirmation de la conformité. La confirmation de la conformité à l'urbanisme a bien été donnée là sur le moment, il n'y a pas longtemps. Et avec toutes les conformités qu'il y a besoin. Exactement. En fait, ça, c'est intéressant d'avoir ce document parce que maintenant, ça veut dire que si jamais il y a des travaux, si jamais vous faites des travaux qui modifient les extérieurs, si vous avez besoin de faire des permis de construire ou des demandes d'autorisation de travaux, le fait d'avoir cette conformité vous permet de le faire. Alors que si vous n'aviez pas ce document-là, vous ne pourriez pas faire des modifications des extérieurs, des façades, etc. Oui, on m'avait déjà ça. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas accepter toutes les demandes, notamment les demandes pour mettre une clim et autres. Voilà. Non, oui, mais on m'a dit... Non, je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais on peut toujours voter par anticipation et attendre le certificat de conformité. Mais on peut voter alors, par en fait, anticipation. En fait, dans ces cas-là, si on n'avait pas eu... Alors, dans ces cas-là... S'il vous plaît, dans ces cas-là, s'il y a des questions, si ce soir, s'il vous plaît, que moi, dans ma deuxième copropriété, j'ai aussi ce problème-là, juste pour pouvoir planter des arbres. En fait, ce que vous dites, c'est que si ce soir, on n'avait pas eu le document d'attestation de conformité d'urbanisme, effectivement, on pourrait toujours voter par anticipation, mais par contre, on serait obligé de mettre une clause de dire que les travaux ils sont donnés sous réserve de l'obtention de ce certificat. Mais ce soir, la question ne se pose pas, donc on peut on soumet au vote. Oui, en juillet. Est-ce que globalement, tout le monde est pour ou contre ? Oui. Pour. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Non ? A priori, Madame Montero, vous allez pouvoir installer votre pergola. Ouais. Félicitations. Ça mérite un apéro, ça. Okay. C'est ça, il manque la 22. Il manque la 22. Alors, il manque la 19-2 quand même, parce qu'on les reprend dans l'ordre. Souscription à l'offre Matera. Donc effectivement, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu le contrat, mais le contrat, je vous le présente ici et je vous reconfirme. Benoît, tu m'avais dit qu'il n'était pas question de mettre le contrat tout de suite, que tu le mettrais s'il y a renouvellement. Tu m'avais écrit ça. Non, mais c'est bon. Mais je veux dire. Je dis si je réponds par rapport à sa remarque, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est simplement ce soir, effectivement, il s'agit de renouveler l'abonnement Matera et que le contrat, je vous le présente. Effectivement, s'il a été absent à la convocation, on peut vous le présenter ce soir. Moi, je vous confirme que l'abonnement. Oui, moi aussi, il me semble, mais ce n'est pas grave. Je vous présente le contrat ce soir, et moi, je vous confirme ce soir que le contrat il est de 1 an et que tous les ans, il faudra le renouveler. Il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord ? Et que le but, c'est de vous accompagner. Il n'y a pas de piège. Et franchement, je tiens vraiment à vous le dire. Franchement, moi, j'adore mon métier et j'adore vous accompagner. Comment ? On avance. Okay. Est-ce que vous êtes la question c'est est-ce que vous êtes pour la souscription à l'offre Matera à 4 850 €? On n'a pas le choix, non ? Oui. Vous êtes tous pour ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Moi je m'abstiens pas, je suis contre. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ? Non, mais tu peux être contre. Oui. Pour et contre, enfin moi je suis contre vous, Benoît. Voilà. Moi j'ai pas de souci. Moi je suis là pour vous aider. Oui, bah, c'est pas grave, de toute façon, c'est la majorité qui l'emporte. On va voter ou pas? On va voter. Là. Bah oui. Allez, hop. Alors, votons. Est-ce que tout. S'il vous plaît. Alors, il y a un peu de tout là, donc je pense qu'il va falloir relister qui est pour, qui s'abstient ouais. et qui est contre. Moi, je suis pour. Donc, alors, on va faire les pour d'abord, peut-être? Globalement, alors, le plus simple, c'est. Globalement, est-ce que vous êtes pour et ouais. de lister les contre. D'accord. Alors, globalement, est-ce que qui est contre? Excusez-moi, alors, vous pouvez répéter la question? La question, c'est qui est contre? Un par un, qui est contre? Moi, je fais la souscription à Madame. Madame Montero. Moi, je suis contre. Madame Montero, vous êtes contre, OK? Oui. Ouais. D'autres? Madame Montero, Monsieur Ignacio, ouais. Madame Côté. Les sept mercenaires. Attendez, non, mais allez, s'il vous plaît. Par contre, je ne peux pas aller aussi vite que vous. Ah, donc, parce qu'après, on va me dire, je n'ai pas mis tous les votes. Pas de souci, pas de souci, pardon. S'il vous plaît. Je reprends. Je reprends, moi. Je vous redis qui j'ai noté. J'ai Madame Montero qui est contre. Oui. J'ai Monsieur Ignacio qui est contre. Oui. Et ensuite, j'avais qui d'autre? Monsieur et Madame Albero. Albero. Monsieur et Madame Albero qui est contre. OK. Monsieur et Madame Côté. Monsieur et Madame Côté. Madame Côté, pardon. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Et Madame Dess. Madame comment? Monsieur et Madame Dess. Ou Blondeau. Ou Blondeau, je ne sais pas si. Monsieur Blondeau, Madame Dess. Et du coup, il y a Émilie aussi alors. Et Madame Aidé est contre. Et Monsieur et Madame Waro souhaité. Monsieur Waro, vous êtes contre? Oui. Ok. Si j'entends bien, il y a 7 contre dans la salle. On est d'accord ou pas? Oui. C'est bien ça? 7, oui, tout à fait. Donc, je répète, monsieur et madame Albero, madame Côté, madame Aidé, monsieur Waro, enfin monsieur et madame, monsieur Ignacio, madame, monsieur et madame Montero, et monsieur et madame Blondeau Dess. On est bien d'accord? Oui. Oui. OK. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette année, en tout cas, sachez aussi que la résolution est à voter. Sachez que vous pouvez tous me contacter si vous avez des questions et que moi, je suis vraiment là à votre service pour vous aider à avoir une copro qui soit agréable et qui se passe bien. Voilà. Donc, j'essaierai de faire de mon mieux pour. J'essaierai de faire de mon mieux pour. Pour vous accompagner, en tout cas, moi, je le fais avec une vraie passion, un vrai plaisir. Et que, je vis la copro en syndic coopératif et j'espère vraiment vous accompagner au mieux. Vous n'hésitez pas, vous avez le bouton une question. Vous pouvez me poser vos questions et je suis là pour vous répondre. Et si je peux me permettre, Benoît, moi, tout comme toi, je fais ça avec passion. Alors, désignation... Désignation de IMO de France. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour IMO de France? Mais j'ai demandé avant. Mais maintenant, il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. Moi, je vote contre. C'est sur le principe de... Oui, mais j'ai demandé exactement pour ça. J'ai demandé parce que je sais que Kebab, il voulait faire. Et que les voter pour. Alors, vous êtes tous là dans la salle, toujours? Alors, il y aura, si je résume, les mêmes personnes là que vous avez compte qui votent pour, du coup, ainsi que Madame Kebab. Et Madame Émilie Aidé. Qui avait déjà voté contre. Alors, attendez, je ne comprends pas. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Donc là, pardon, je reprends. Les personnes qui ont voté contre le 19.2. Ouais. Voilà, vote pour la 20, la résolution 20. D'accord. OK. Ainsi que Madame Kebab. Madame Kebab, excusez-moi, s'il vous plaît qu'on termine. Madame Kebab, vous êtes pour ou contre la 20? Ben, elle nous a dit avant de partir qu'elle votait pour parce qu'on n'a pas eu le temps de voter. Voilà, vous pouvez l'appeler si besoin pour confirmer. Oui, d'accord, ok, ça marche. Ok, donc je répercuterai les votes de cette manière. Et concernant Orpi, est-ce que les gens sont pour, est-ce qu'ils sont contre? Alors, le truc, c'est qu'en général, quand vous êtes pour un syndic pro, vous ne pouvez pas être pour un deuxième syndic pro. C'est que, en fait, ça veut dire que vous deviez faire le choix entre Limoges de France ou Orpi. Êtes-vous pour ou contre Limoges? Êtes-vous pour ou contre Orpi? Ouais, c'est pas choisissez entre elles. Ouais. C'est pas deux devis. Alors, comme les questions sont séparées, moi, je vote pour. Je pense qu'il y a eu un souci dans la façon dont ça a été présenté, peut-être. Pas du tout, parce que justement, vous devez clairement faire un choix clair, net et précis. Et chaque vote doit être bien distingué là-dessus. Et c'est que si vous êtes pour Imo de France, si vous êtes... On aurait voté pour le syndic de coopératif et le syndic bénévole, c'est pareil. En fait, si vous êtes... Clairement, vous ne pouvez pas être pour Imo... Enfin, en même temps, il faut se positionner pour Imo de France ou pour Orpi. Donc, ouais, mais dans ce cas-là, il y a un côté aussi déséquilibré dans le sens où, hein, bon, de toute façon, ça a été joué, on sait que c'est un syndic bénévole, mais en fait, il n'y a qu'une... présentation de syndic bénévole, qu'un syndic copropriétaire et en revanche deux syndics professionnels. Du coup, les personnes peuvent diviser leur vote. Parce que les gens qui votent pour Imo France, ils ne votent pas forcément pour Imo France, ils votent pour avoir un syndic professionnel. Et du coup, le fait d'en avoir mis deux, ben même pour les gens qui votaient par correspondance, ça a déséquilibré un peu le vote. Pas du tout, parce que justement, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est que vous avez une proposition, et ça marche comme ça quand, vous savez, il y a des copros où il y a 5 devis de syndic professionnel. Et on doit les prendre un par un. J'ai Madame Kebab au téléphone pour ne pas la retenir trop longtemps, juste pour son vote pour Imo de France. Elle était pour. Si vous avez entendu, elle vient de dire qu'elle était pour. Oui, ça ne change pas grand-chose. Ça marche. Voilà. Okay. Ce que je veux dire, c'est... Merci beaucoup, bonne soirée. Ce que je veux dire... Ce que je veux dire, Monsieur Waro, s'il vous plaît, on termine. En fait, quand vous votez pour un syndic pro, vous ne pouvez pas en avoir deux. Donc, à un moment donné, si quelqu'un va voter pour l'un... Ça ne divise pas par deux. Vous avez une proposition. Mais alors, pourquoi il y avait deux questions? C'est les deux questions qui est mal fait. Donc, en fait, c'était mal fait. On aurait dû mettre un point 20 pour dire... On aurait dû mettre un point 20 qui disait « Souhaitez-vous un syndic professionnel ?» Puis peut-être après deux propositions en 20.1 puis en 20.2. Non. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Je suis désolé de vous le dire, mais en fait, chaque fois, si vous avez 5 présentations de syndic pro, vous avez 5 résolutions et on doit voter pour tel que syndic pro. C'était pas le cas en l'occurrence. On savait qu'on... Non, mais il faudrait savoir, vous n'êtes pas professionnel et vous contestez ce que vous dit un professionnel à un moment donné. Est-ce que ça change quelque chose sur... On vote contre. Bah oui, avançons. En fait, voilà. On vote tous contre Orpi. D'accord. Donc, parce qu'effectivement, la prestation. Effectivement, la prestation n'était pas la même. Donc, ça veut dire que si vous aviez une préférence pour Imo de France qui est venu, vous auriez retenu Imo de France. Et donc, c'est-à-dire que vous auriez rejeté... Heures, c'est inutile. Mais ça peut jouer. Mais la prochaine... Non, ça... Parce que là, ça ne marche pas là. Mais l'année prochaine, on fait bien. S'il vous plaît, qu'on puisse terminer et tout ce sereinement. S'il vous plaît. Donc, globalement, s'il vous plaît, entre vous, si ce soir il y a Imo de France qui est venu et l'autre n'est pas venu, je pense que vous auriez quand même majoritairement, vous aviez plus une préférence pour Imo de France. Et que à ce moment-là. Donc, bon, bah peut-être, mais en tout cas, il faut bien... Clairement, vous aviez 4 choix et ils sont tous équilibrés. Mais on a là... 3 choix, mais on va pas dire qu'il y a encore mélangé. Mais c'est lors de la rédaction du B du AG. Là, pour le coup, monsieur Mindy, pour le coup, votre... j'oserais pas dire devoir de conseil, parce que vous n'avez pas de devoir de conseil dans votre contrat, c'est pas prévu, mais vous avez quand même le recul suffisant pour aider madame, pour avoir aidé madame Cotte à construire son ordre du jour Je vois clairement que ça n'a pas été le cas. Vous avez bien transpiré pour d'autres choses, et notamment pour le renouvellement de votre contrat, mais pas pour... Non, non, il n'y a pas eu de transpiration. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Écoutez-moi. Écoutez, je ne suis pas du tout d'accord. Je vous écoute, moi. Allez-y. Ouais, je ne suis pas du tout d'accord. C'est que j'ai conseillé Patricia pour qu'elle fasse les choses comme il faut. Et des juristes lui ont aussi expliqué comment ça doit être rédigé. Et je vous assure que là, texte est rédigé, c'est comme ça doit être. Non, là, justement... attendez, arrêtez. Parce que là, avec les syndics pro, de séparer les deux, c'est, la question c'est est-ce qu'on va au syndic pro d'abord et après on fait des A et B pour les syndics. Ne me dites pas que le normal, c'est de séparer les deux syndics pour avoir une élimination des votes. Ça veut dire que s'il y a 4 votes pour un syndic et 4 votes pour un autre syndic, on ne passerait jamais. Ça me paraît très, très bizarre. Mais ça paraît très bizarre. C'est pas en divisant les votes sur deux choix que vous allez passer. Hein. Non, mais même. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que le vote n'a pas été fait correctement. Il faut accepter le choix. Non, le vote, ça n'a rien à voir avec le vote. Moi, je sais pas, vous pinaillez pour des questions. Je suis d'accord avec le vote qui a été voté, c'est pas ça. Bah alors, la façon que c'est présenté, les deux pros, c'est pas par hasard. Oui, mais ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Voilà. Oui, on t'a pas dit que ça engageait d'autres gens. Hein. Oui, si on peut avancer, s'il vous plaît. Oui, on avance. Ah. Oui. Concernant Henri, concernant. Vu qu'on n'a pas le droit de voter, apparemment, vu qu'on n'a pas le droit. Si, vous avez le droit, mais on aimerait bien avancer. Là, il est 22h20. Donc, alors, on vote pour, alors. S'il vous plaît. Donc, voilà, on vote pour également. On vote pour également. Okay, donc, alors, on vote donc, pour les deux, c'est ça. Monsieur Waro, s'il vous plaît, parce que là, moi, c'est pareil. Oui. On fatigue tous, c'est pas la peine. Ça veut dire que les votes, si je comprends bien, monsieur Waro, les votes de la résolution 19.1, on les prend à l'inverse, c'est que ceux qui étaient pour. Ceux qui étaient contre, on a 19-1, ils sont pour la 20 et la 21. Et on rajoute Madame Kebab qui est pour la 20 et pour la 21. Tout à fait. OK. Ça marche. Merci. Bon. Ensuite, il y a désignation des membres du conseil syndical. Et donc la question, elle se pose de savoir s'il y a des personnes qui se présentent au conseil syndical. Est-ce qu'il y a des candidats au conseil syndical? On dirait pas dans la salle. Non, pas ici. Pas dans la salle. Non, c'est... Peut-être les groupes par correspondance, mais ça, on le sait. Non, mais chacun s'engagera comme il le souhaite. Il n'y aura pas d'obligation. Comme ça, personne ne dira que je l'ai forcé à faire quoi que ce soit. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est vu avec les personnes qui ont voté. Non, mais la question, elle n'est pas là. Est-ce que quelqu'un s'est proposé sur les procurations? On n'a pas la teneur de toute façon. Non. Ouais. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on n'a pas la teneur des votes qui ont été faits par correspondance. Vous allez avoir le compte rendu de toute manière. Patricia, les votes par correspondance, ils sont là et vous les aurez en fait. C'est que là, M. Bénard, par exemple, sur ce sujet-là, il s'est abstenu. M. Bordès, il a voté pour les candidats qui se présentent. Voilà. Donc. Il a voté pour des gens, mais ça ne s'est pas passé. Non, mais il a le droit de voter pour tous les candidats. Il y a énormément de copropriétaires qui disent n'importe qui se présente, je vote pour. Je vote pour. Ouais, d'accord, effectivement. Mais une question, Benoît, là, le conseil syndical, ça concerne quoi le conseil syndical sous forme de syndic pro? J'ai pas compris. Alors, le conseil syndical, c'est le conseil syndical, c'est une instance. Le syndic, oui, non, mais j'ai compris, mais le conseil syndical, il est formé sur la base du syndic pro ou d'un syndic coopératif? Parce que si j'ai bien compris, on n'est pas obligé d'avoir un conseil syndical en syndic bénévole. C'est pour le bénévole. Alors, non. En fait, alors bonjour, s'il vous plaît, je vais répondre. Qu'on essaye d'apaiser les choses, d'être tranquille aussi, d'expliquer comment ça se passe. Ce soir, vous avez voté contre le mode de syndic coopératif. Donc, il n'y a plus de syndic coopératif. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une proposition de syndic bénévole, deux propositions de syndic professionnel. Le syndic bénévole est passé en vote. Donc aujourd'hui, vous avez un syndic qui est bénévole et vous avez une instance de conseil syndical qui va, dont le rôle, le conseil syndical n'est plus le syndic comme c'était le cas avant. D'accord ? Donc le conseil syndical, son rôle, c'est d'assister et de contrôler les missions du syndic, de vérifier que le syndic fait bien son boulot. Donc c'est une mission à la fois de contrôle et d'assistance. C'est que le syndic, quel qu'il soit. D'assistance. C'est que dans la communication. Que surveillance, moi. Non, c'est on contrôle ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on vérifie est-ce qu'il ne fait pas des fausses factures, est-ce qu'il ne fait pas des mauvaises dépenses, est-ce qu'il a payé. J'ai jamais eu l'intention de frauder la copropriété. Hein. J'ai reçu un chèque à un moment et je l'ai fait modifier. Donc les sous-entendus, ça va. C'est pas très clair en tout cas. C'est pas très clair en tout cas. D'accord, c'était pas très clair pour moi. C'était pas très clair pour moi. Juste pour information, attends, je veux juste donner une information. Moi, j'ai des propriétaires qui m'ont dit qu'ils allaient m'aider. Je ne donnerai pas de nom parce que c'est à eux de se prononcer. Mais je sais qu'il y a 4 ou 5 propriétaires qui se sont proposés sur certains points, et notamment des propriétaires qui ont voté. Donc il y a des inconnus qu'on ne connaît pas qui vont nous aider. Si vous les connaissez, mais ils sont libres de se présenter. C'est anonyme. Oui, on doit voter en fait. Non, mais c'est pas anonyme. On ne connaît pas quoi. Vous n'avez jamais voulu dire si vous vous présentiez ou pas au conseil syndical. Si je l'ai pas dit. Si vous attendez de la transparence des autres, soyez le aussi quoi à un moment donné. Mais si jamais il y avait eu par exemple un syndic pro qui a priori nous convenait mieux ici, si des gens voulaient se présenter, ils l'auraient dit maintenant. Mais de toute façon, c'est pas le cas. De toute façon, c'est pas obligatoire d'avoir un conseil syndical. S'il vous plaît, on peut terminer qu'on avance. Alors. Oui, tout à fait. Hein. Ok. Donc quand on est en syndic coopératif, il y a une obligation d'avoir un conseil syndical. Quand on est en syndic bénévole ou professionnel, il n'y a pas d'obligation d'en avoir un. Par contre, c'est vivant conseiller, parce que comme je l'ai dit, le but, c'est de contrôler et assister le syndic. Donc, le conseil syndical, eh bien, comme avec un syndic pro. Hein. Là, en fait, avec Alem, aujourd'hui, se retrouve la syndic de la CoPro. Le conseil syndical, son travail, c'est de faire comme vous auriez fait avec un syndic pro, normalement, de vérifier qu'il fait bien son travail et de l'assister dans certaines décisions qui sont à prendre. Dans la communication qu'il peut y avoir à faire, etc. C'est d'avoir des représentants de la copropriété. Ne vous inquiétez pas, je vous rendrai compte de tous directement sur la plateforme. Donc, il n'y aura pas de... En tout cas, donc, j'entends qu'il n'y a pas de... Excusez-moi, j'ai... À l'ordre du jour, ça sera voté via la plateforme Materazzi. J'ai une question. Excusez-moi, j'ai une question, c'est Madame Côté. On a le même outil, intranet, etc. On aura exactement la même chose. Donc, normalement, dans notre profil, quand on rentre dans l'intranet, on voit apparaître les membres du conseil syndical. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Oui. Mais il n'y aura pas de membres de conseil syndical clairement désignés. Il y aura des personnes qui s'engageront. Ne demandez pas aux autres ce que vous n'avez pas à faire. Chacun fera. Non, s'il vous plaît. Alem, s'il te plaît, je reprends. Non, mais je précise, comme Monsieur Tadushi qui a proposé de venir tailler là avec moi, il ne fera pas partie du conseil syndical. Ça n'enlève en rien son avis anonyme. Comme les personnes qui ont fait des devis. S'il vous plaît. Oui, mais voilà, le conseil s'écharge, il n'y aura pas de conseil s'écharge. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, qu'on puisse terminer là-dessus. Moi, en fait, aujourd'hui, ce que j'entends, ce que j'entends moi ce soir, c'est qu'il n'y a pas de personne qui se présente au conseil syndical. Il y a des personnes. Nulle part. Il y a Alem, il y a des personnes qui ont dit, moi, je veux bien donner un coup de main, mais je ne vous rentrerai pas dans le conseil syndical. Et n'importe qui peut donner un coup de main pour être dans un mode participatif. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de conseil syndical. C'est possible. Très bien. Donc, du coup, la 22, on ne la vote pas puisqu'en fait, il n'y en a pas. Quoi. Elle est sans objet, il n'y a pas de candidat. Donc, du coup, là, c'est sans objet. On a fini ? Alors, est-ce qu'il y, a des, il y avait des questions diverses? Donc, si vous avez des questions, on peut encore. Sinon, effectivement, on peut confirmer. Je ne crois pas, malheureusement. Moi, j'avais juste une remarque à faire. Ici, personne n'a de questions. J'aimerais bien que les choses s'apaisent pour qu'on puisse travailler sereinement. Oui, oui, bonsoir. Voilà. Bonne chance, Alain. Mais je n'ai pas besoin de chance, j'ai juste besoin d'énergie et de bienveillance pour faire du travail correct. Je ne travaille pas pour moi, je ne suis pas payée. Donc, merci. Merci et bon courage et puis bonne soirée à tous ceux qui étaient là. Monsieur Warou ? Monsieur Warou, je suis là, oui. Je termine juste avec vous, deux minutes, même pas. Oui. C'est juste que vous êtes président de séance, donc du coup, il va falloir qu'on signe ensemble le PV d'AG pour pouvoir le remettre et l'envoyer à tout le monde. Ça veut dire que moi, je vais finir de rédiger proprement oui. Et je vous l'enverrai donc sur votre espace Matera. Ce que je vais faire d'abord, parfait. C'est que avant de le passer en signature, je vais vous l'envoyer une version draft que vous allez pouvoir relire. Oui. Pour pouvoir valider que ce que j'ai inscrit, c'est bien ce qui s'est dit, etc. D'accord. Si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des remarques, de me dire bah, oui. Là, le texte est formulé, ce n'est pas tout à fait ça, etc. Vous m'enverrez un mail pour me dire voilà les corrections qu'il faut qu'on apporte. Si vous voulez, si vous préférez, on peut aussi refaire ce travail ensemble, se donner peut-être une demi-heure ensemble de relire les résolutions sur les formulations, de manière à ce qu'on corrige ça ensemble. Okay. Et ensuite, quand on sera d'accord là-dessus, et ben, vous aurez juste à signer sur Matera pour que ce soit fait. Et là, par contre, il faut qu'on le fasse. On a 8 jours pour le faire. Oui. Monsieur, on a 8 jours pour le faire. Donc, dans la semaine, il faut qu'on valide ça. Donc, okay. On enverra un mail et puis lundi, si vous voulez, qu'on trouve un moment dans la semaine pour. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez ? Je vous envoie un mail avec le document ou vous voulez un temps d'échange ensemble ? Faites-moi peut-être un mail et puis après, si besoin, voilà, il y a des choses qui ne conviennent pas, on calera un rendez-vous téléphonique. Ça vous va ? Ça marche. Très bien. On fait comme ça. Ça roule. Merci à vous. Merci de votre. Benoît, excuse-moi, c'est Patricia. Je donne la feuille d'émargement à Quentin Warou. Oui, tu peux lui donner, effectivement. Très bien. C'est la feuille de présence, effectivement. Ce que j'aurais besoin, moi, c'est qu'elle soit scannée et qu'elle me soit envoyée par mail. Okay. Et ensuite, vous l'enverrez. On la mettra effectivement dans le dossier du PV d'AG. Je vous l'enverrai. D'accord. Okay. Est-ce qu'on pourra, et dans le résumé, il y aura aussi l'accès au vote, c'est ça, à tous ceux qui ont voté Ah bah, en fait, dans le PV d'AG, tous les votes sont donnés. C'est que quand on est en vote par correspondance, on ne sait pas les votes avant la tenue de l'AG. D'accord. Mais dans le PV, on le verra, quoi. Par contre, dans le PV d'AG, on voit tout, qui a voté quoi. On voit ceux qui ont voté contre, qui se sont abstenus, etc. D'accord. Très bien. Donc, c'est extrêmement clair. Il n'y a pas de… Oui. Justement, ça se veut être la transparence, mais c'est ce que j'avais un peu expliqué aussi à Patricia. C'est que les votes, ils sont sécurisés pour éviter des éventuels conflits d'intérêts. D'accord. Voilà. Très bien. OK. Très bien. Okay, merci à vous. Bonne soirée à tous. Passez un bon week-end. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.